Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Marc-Olivier Dumas aiguisera les patins de notre connaissance sportive dans Sport et Philosophie. Et Jimmy Thibodeau établira des records d'opinion personnelle dans Gauche Armez-vous. Ah ben, hâte de voir ça, moi. On va se faire disqualifier parce qu'il a poussé quelqu'un. Oh, peut-être. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. En ce mardi 13 février 2018, on est à 73 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Mm-hmm, on est presque à la moitié du mois de février. Presque. Mm-hmm. Ben oui, ça s'en vient. Ben oui. T'as regardé les Olympiques cette nuit encore ou? Beaucoup moins longtemps qu'à la veille. Je veux dire que hier, aux alentours de 8h15, je commençais à m'endormir. Alors, j'ai écourté mon temps d'écoute des Jeux olympiques. Par contre, j'étais de retour ce matin, 4h45. J'étais sur mon téléphone et j'écoutais Pyeongchang. Et là, c'est quoi? Marianne Saint-Gelest. Marianne Saint-Gelest a été disqualifiée, en fait, aux 500 mètres pour avoir poussé une autre concurrente. Donc, elle ne fera pas partie de la finale du 500 mètres, mais bien évidemment, on va la revoir au relais, en équipe. Elle n'est pas disqualifiée là, des Jeux, c'est pas une question de dopage, ça, on va y revenir plus tard! Est-ce que ça veut dire que tu vas parler de l'Olympique aujourd'hui? Je vais parler de suppléments, comme les suppléments de vitamines qu'on connaît, ce que ça amène dans une vie, mais ça va nous amener, justement, peut-être un petit peu aux Jeux olympiques. Intéressant. C'est plus tard, Antonia Esgonin-Turinia. On a aussi nos chroniqueurs habituels. Malheureusement, Marianne Saint-Gelest a été disqualifiée. Oui, exactement. Donc, elle ne sera pas là aujourd'hui. À 8h, on va avoir Marc-Olivier Dumas pour sa chronique sportive Sport et Philosophie. Ensuite, à 8h30, Dominique Nod-Mavungu et les plus récentes nouvelles du continent africain dans Voix l'Afrique. À 9h, Jimmy Thibodeau et ses gauches à bien vue, lui qui va prendre un sujet de la gauche et l'analyser, peut-être même chialer sur la gauche. On va peut-être bousculer quelques idées. Oh, peut-être. C'est à 9h. C'est l'émission d'aujourd'hui, ça, et bien plus encore, évidemment. On va parler nous aussi des Olympiades dans son foot palmarès dans quelques instants. On parle curling. Ouh, on aime ça. Mais avant ça, j'aimerais donner une mention spéciale à la chanson qui a joué juste avant notre émission. Non! Écoute le début, c'est délicieux. À 7h-4, c'est parfait. C'est ça. C'est une baise à 7h-4. Ouais. Après, on va écouter Fanny Bloom. Oui, bonne idée. Avec son nouvel extrait, On s'aimera. Je pense que c'est mieux. C'est dans le même domaine. Dis-moi que la pluie qui s'éternise ne s'éternisera pas. Moi, j'avais qu'ici une douce brise à l'abri pour une fois. Dis-moi, mon petit, que la grande averse ne s'installera pas. Venez nous avaler, je te jure, tu peux les valer. s'aimera. S'aimera de Fanny Bloom. Une nouvelle de ses pièces. Oui. C'est excellent. Ben j'ai oui. bien aimé. C'est bon. Ça réveille. Ça met dedans. Mm-hmm. T'as le goût de danser mm-hmm. un petit mm-hmm. peu. Ben, je t'ai vu faire. Ça. Ouais. Okay. Featuring Vincent Vallière, je pense. T'as lu l'écrit. On va s'aimer encore. Maintenant, c'est son foutu palmarès. La collègue Quentin sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle encore une fois des Olympiades. Ben oui, quelle bonne idée. C'est la grosse folie furieuse en ce moment. On dirait que c'est ça. C'est ça. C'est courant. C'est courant. C'est comme on dit... c'est d'actualité. Le seul moment aux 4 ans où les souverainistes votent pour le Canada. C'est un meme Facebook, c'est bien drôle. Ouais. On parle de curling aujourd'hui. Oui. De curling, tu sais, c'est un sport quand même. Pour ceux qui sont pas trop au courant de comment ça se passe, le curling, ça a l'air un petit peu particulier. Ouais. Avec le balai... Mm-hmm. Le Swiffer sur glace, c'est un peu bizarre. Oui, le Swiffer. En plus, c'est tout le temps, je le dis souvent, je sais que je suis redondant là-dedans. Mais c'est commandité par des Kleenex. Tout le temps commandité par des marques de d'essuie-tout puis Kleenex. C'est quoi ça? C'est comme super sexiste, là. Non, c'est pas super sexiste. Bref, il y en a qui sont. C'est pour ceux qui coulent du nez à Kéjou. C'est ça. Il y en a qui sont fascinés par ce sport-là. Je trouve que c'est fun à regarder. Donc, mm-hmm. quelques petits faits sur le curling. Commençons par le fait que ça vient du 16e siècle en Écosse. Originaire d'Écosse, donc ce sport d'hiver date de 1511. On jouait sur des lacs glacés avec des pierres primitives faites de différents matériaux et de roches qui viennent de la région de Stirling et de Perth. Intéressant. Établi en 1838, le Grand Caledonian Curling Club était le premier club de curling moderne en Écosse. Les membres du club et le comité étaient responsables pour l'organisation du jeu et écrire les premiers règlements, bien sûr, choisir l'équipement standardisé, les pierres de curling. Le club a plus tard changé de nom pour le Royal Caledonian Curling Club. Au lieu de Grand Caledonian, c'est devenu Royal. Lorsque la reine Victoria lui a donné sa charte royale en 1843, le sport devenait de plus en plus populaire en Europe et au Canada à la fin du 19e siècle. Hmm. Ensuite, savais-tu que les pierres de curling sont fabriquées à partir d'un granit très rare? Oui. Ouais. Chaque pierre de curling a une circonférence de 36 pouces, une hauteur de 4,5 pouces. Le poids des pierres varie entre 38 et 44 livres, dépendant du niveau de compétition. Chaque pierre de curling est fabriquée à partir de granit rare qui est poli et puis mise en forme, comme enfant. En fait, il y a seulement deux trucs de voyons. Là où Fred Caillou travaillait, là. C'est pas une mine, mais ça ressemble à ça, là. Non, c'est pas ça. Non, y a je un sais. Mot pour ça. C'est pas un pit à pierre. Il est de bonne heure le matin, là. Attends un petit peu. C'est une carrière. C'est pas ça, sûr. Une carrière. Oui, c'est ça. Ah, oui, une carrière. Fred Caillou travaille dans une carrière, tout le monde sait ça. Mais oui. Bref, il y en a seulement deux carrières dans le monde. Médecin et infirmière, non pas. Où le granit est retrouvé, c'est l'île écossaise de Elsa Craig et le Triffer Granite Quarry à Wales. Voilà. Étant donné que le granit qui est utilisé, qui est très très rare, il y a une possibilité que ces carrières-là vont finir par manquer de matériaux pour fabriquer des nouvelles pierres de curling dans le monde. Va peut-être falloir trouver quelque chose d'autre. Mm-hmm. Hein? Le sport a fait son début aux Olympiades 74 ans avant que ça devienne un sport officiel. OK. Ouais, donc le curling qui a fait ses débuts, hein, pendant les tout premiers Jeux d'hiver à Chamonix en France en 1924, avant d'être abandonné aux Olympiades suivantes en 1928. Et ensuite, entre 1932 et 1992, le curling a été joué de façon intermittente, mais comme sport de démonstration. Voulant dire que c'était présenté seulement pour mettre les gens au courant que ça existait. Hein? C'est ça. Aucune médaille comptait vraiment pour le total final d'un pays. Après avoir été relégué aux démonstrations aux Olympiades d'hiver au lac Placide en 1932, les Jeux de Calgary en 1988 et les Jeux d'Albertville en 1992, le curling pour les hommes et pour les femmes est officiellement devenu un sport olympique à Nagano en 1998. En 2006, par contre, le Comité international olympique a décidé de rétroactivement remonter le statut des médailles de curling des premières Olympiades en 1924 de démonstration à médailles officielles. Ben oui. Donc, rétroactivement, ils se sont mis à compter. Mm-hmm. C'est spécial, ça. C'est weird, hein? Vraiment cool. Alors, en plus de ça, il y a des matchs de curling double mixte, comme on a vu. Vous avez peut-être remarqué les parties de curling mixtes récemment à Pyeongchang en Corée du Sud. Le Canada qui fait très bien en passant, mon ami, présentement. Le sport a son propre langage. Comme dans plusieurs sports, donc le curling a sa propre terminologie distincte et des règles qui rendent ce sport-là unique. L'objectif du jeu est de faire le plus de points alors que tu envoies ta pierre dans une direction anti-horaire ou horaire sur une allée de 150 pieds de long, 15 pieds de large, sur de la glace rude. C'est bien ça? Mm-hmm. Hein? Comment est-ce qu'on appelle ça en français? The sheet en anglais. Hein? Jusqu'au button qui est le centre. D'une house ou une cible de 12 pieds. J'imagine que les termes en français sont tout aussi séduisants. Hein? Le reste des règles, je m'embarquerai pas là-dedans. Son surnom est le Roaring Game, le jeu du rugissement, si on veut, à cause du son que les pierres font lorsqu'elles sont envoyées sur la glace rude. Hein? C'est aussi une référence au son que les balais font en balayant, en faisant fondre la glace pour guider la pierre jusqu'au bouton de la maison. Hein? Le sport est aussi considéré comme des échecs sur glace parce que c'est beaucoup de stratégie et de patience pour réussir à faire tomber ton ennemi. Les joueurs portent deux types différents de souliers au curling. Oui. Ouais. Les curlers, les joueurs de curling, doivent porter deux types différents de souliers lorsqu'ils jouent à ce jeu-là. Un s'appelle le slider en anglais. C'est fait d'une semelle de téflon. C'est porté donc sur le pied qui glisse et utilisé pour envoyer la pierre donc directement sur l'allée. L'autre celui s'appelle le gripper qui est porté sur l'autre pied, donc celui qui pousse. Mm-hmm. C'est ça? Lorsqu'on envoie la pierre, ça ressemble à ça. Tu connais bien ça? Hey, je dis-tu n'importe quoi, mais je m'assure, vu que t'es là, de pouvoir me faire corriger s'il y a quelque chose. Les balayeurs utilisent le soulier gripper pour avoir plus de traction sur la glace, pour pouvoir balayer plus rapidement et de façon plus propre. Même les semelles, en fait, sont différentes à l'œil. Oui, c'est ça, téflon. Ah, tu veux dire à l'œil, visuellement. Donc, à la télé, tu peux voir la différence? Peut-être pas à la télévision, parce que c'est quand même assez difficile en selon 4K, l'angle. Ouais. Même en 4K, mais je te dirais, si c'est dans un endroit où on joue au curling, il y a de fortes chances que tu vois la différence entre les deux semelles. Ah, eh bien. Le sport a au moins un badass. Tout le temps. Tu veux savoir c'est qui le badass là-dedans? Après avoir gagné les championnats juniors, les World Junior Championships en 1976 et 78, Paul Gausel de Calgary a été baptisé le rebelle du monde du curling. Hein, pour ses longs cheveux, et les pantalons bizarres qu'il portait pendant les parties. Il y a eu un tournoi au Regina, je sais parce que ça sonne pareil. Okay. Regina Curling Club en 1980. Il a commandé une pizza en plein milieu de sa partie. Il a continué en mangeant des pointes de pizza sur la glace alors que les collègues jouaient au curling. Cet incident-là lui a donné le nouveau surnom de Pizza Paul. Hein? Pizza Paul. Il avait faim, faut croire. Ben oui. Il avait faim. Ça donne faim de jouer à ça. Ben c'est ça. Ensuite, il y a plusieurs vedettes qui sont des fans de curling. À part Curling Dion. Aïe, t'es en feu là maintenant. Plusieurs acteurs, musiciens et athlètes professionnels qui sont des grands fans du curling. Notre ami George Clooney, a.k.a. Le Menton. Georgie Boy. Est devenu fan lorsqu'il filmait le film The Perfect Storm en 2000 au Canada. Ça jouait à tous les postes et il se disait, ben voyons donc, toi. Il faudrait qu'il diffuse d'autres choses. Mais au troisième mois, il était juste plus capable de quitter sa chambre d'hôtel. Il était rendu accro. D'autres vedettes qui sont fans du curling, Bruce Springsteen. OK. Toby Keith. Le conducteur de voiture automobile de course britannique Dario Franchitti, joueur de football Vernon Davis, qui a été nommé capitaine honoraire de l'équipe olympique masculine de curling olympique à cause de sa passion pour le sport. Davis s'est même rendu jusqu'à Vancouver et à Sochi pendant les Olympiades d'hiver pour encourager son équipe. La politesse est requise au curling. Oui, mais oui, certainement. Ouais, une bonne conduite sportive, la politesse, le respect. Ce qu'on manque pas mal en 2018. C'est très, très important pour ce sport qu'on appelle, en fait, pas pour ce sport qu'on appelle, mais ce qu'on appelle l'attitude, l'esprit du curling. Ouais. The spirit of curling. C'est comme le spirit of cheerleading. C'est exactement ça. Bref, les équipes vont féliciter leurs opposants pour de bons tirs et une stratégie intelligente, alors que les joueurs sont découragés d'agacer ou de parler en mal de l'autre équipe, faire du trash talk, hein? Et aussi accepter sa défaite. En fait, pas accepter sa défaite, mais déclarer forfait. Mm-hmm. Concéder à l'autre la victoire, c'est une partie acceptable du jeu. Si une équipe pense qu'ils n'ont aucune chance de rattraper ou de gagner, ils peuvent donner la victoire à l'autre équipe finalement. Après le sixième, je sais pas quoi, là, qu'elle t'appelle, là? Sixième end, qu'elle appelle en tout cas en anglais. C'est considéré comme un acte honorable. Ce sont des bouts, en passant. Des bouts? Ouais. Ils jouent des bouts? Ouais, tu joues des bouts. Eh ben. Ben, tu sais, pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est vraiment très drôle. Je ouais. Je croyais que je te l'avais expliqué en dînant. Ben oui, jour. Mais là, j'ai pas retenu chaque terme. Il me semble que si tu m'avais dit qu'ils jouaient avec leur bout, mm-hmm. j'aurais vraiment retenu ça, il me semble. Surtout au froid. Ouais. Au bout à l'air. Peut-être. En tout cas. Donc, c'est considéré comme un acte honorable de conduite sportive et non pas un signe de faiblesse de donner la victoire à l'autre personne quand on pense qu'on peut pas se rattraper. Voilà. Les équipes gagnantes vont aussi acheter une ronde. À l'autre équipe, tu sais, je paye la traite, la tournée, surtout au plus haut niveau de compétition. Ouais, ça existe encore. Mais c'est le fun, ça. Mais oui. J'aime ça. Il y a eu pas mal de scandales en curling à travers les années. Maintenant qu'on a parlé de politesse, on peut aller de l'autre côté avec les controverses. Malgré la nature respectueuse du jeu, le monde du curling n'est pas étranger aux scandales avec un des plus connus qui s'appelle Broomgate. Comme un Broomgate, mais qu'un balai, on se comprend. C'est à cause d'une nouvelle technologie de balai qui, selon certains, permettait aux balayeurs d'avoir trop de contrôle sur le match. Dans sa forme la plus pure, ceux qui lancent la pierre ont besoin d'un bon niveau de technique pour qu'elle atterrisse à son endroit prédestiné sur la cible. Mais le balai Ice Pad luxueux était si efficace que ça pouvait sabler n'importe quelle surface pour pouvoir manipuler les pierres beaucoup plus facilement. Et pour les puristes, se fier sur cet équipement-là et non sur la technique, ça blessait le sport. Ça allait en l'encontre de l'esprit du curling. Hein? Mm-hmm. Le balai Ice Pad qui a été banni par la World Curling Federation pour la saison 2015-2016. Il y a de nouvelles lignes directrices qui ont été introduites juste après. Mais on parle justement de curling pendant que sur mon téléphone pop-up victoire de nos Canadiens à Pyeongchang en double mixte. Donc, tu parlais tout à l'heure des équipes mixtes, hommes et femmes, mais le double, sont juste deux à jouer. Oh, wow. Et on vient de gagner l'or, alors c'est pas terminé pour notre équipe Canada au curling. C'était seulement le double mixte, mais félicitations! Espoir, merci! On adore ça! Caroline, c'est le fun. J'aurais jamais pensé qu'Ali McBeal allait être... à l'avant-garde des toilettes mixtes. Mon Dieu, tu pensais encore à ça? Mais c'est pas le seul scandale. C'est pas le seul scandale du monde du curling. Par contre, le sport a aussi eu deux scandales de dopage. Oh my God! Au curling, aux Paralympiades de 2010. Et un autre gate a été créé en 2009. On appelait ça Dump Gate, mais l'article ne me dit pas ce que c'est, fait que je vais devoir vous laisser sur votre faim. Sur le Dump Gate. Pourquoi? Ben parce que j'ai d'autres sujets quand même dans ce foutu palmarès. On va continuer toujours au sujet des Olympiades, mais avec 5 personnes qui ont gagné le 4e type de médaille. Est-ce que tu connais par cœur comme ça le 4e type de médaille qu'on peut gagner aux Olympiades? C'est pas celui qui a fait la plus haute remontée? C'est pas nécessairement ça. OK, parce qu'ils l'ont mentionné cette semaine. Mais celui qui s'est remarqué là, de bord, parce qu'il parlait de Samuel Gérard, qui pourrait avoir la 4e médaille. C'est la médaille qui est nommée en l'honneur d'un des fondateurs des Olympiques modernes. Non? La médaille Pierre de Coubertin. OK. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Oui, j'ai déjà entendu le titre, médaille Pierre de Coubertin. Je me souviens plus. Non, et qui les a gagnés? Oh, ça non! Ah, ben c'est pour ça que je suis là! Exactement! Alors, les médailles d'or, d'argent et de bronze reçoivent toute la gloire, mais il y a un autre prix olympique encore plus difficile à avoir parce que c'est pas vrai. Ben, c'est pas pour tes performances en tant que telle. Donc, la médaille Pierre de Coubertin, nommée en l'honneur du fondateur des Olympiques modernes, est donnée aux athlètes ou aux gens dans l'industrie sportive qui sont les emblèmes, je dirais, de la conduite sportive et qui ont fait une contribution notable aux Jeux olympiques. Okay. Et contrairement aux médailles pour le sport, la médaille de Coubertin n'est pas donnée à chaque cycle de Jeux olympiques. C'est seulement donné lorsque le Comité international olympique a l'impression que quelqu'un la mérite. Mm-hmm. Donc, le 15 janvier 2018, trois semaines, juste avant les Jeux olympiques d'hiver en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, le président de l'IOC, le CEO, peu importe, Thomas Bach, a donné cette médaille-là à l'artiste chinois Lu Junji, un maître du Zisha, qui est un type d'argile utilisé pour créer des trucs pour boire le thé, des petits objets comme ça. Bach a encouragé Junji avec cette médaille-là pour avoir aidé à propager l'esprit olympique. Ah bon! C'est cute, hein? Donc, 5 autres fois qu'on a donné ce prix-là et ce qu'ils ont fait pour mériter ce prestigieux prix qui est la médaille Pierre de Coubertin. Alors, on commence avec Luz Long en 1936. C'est un homme qui fait du saut en longueur. Mm-hmm. Il est allemand. Et donc, ce Luz Long-là a donné à l'Américain Jesse Owens un petit conseil par rapport à où démarrer, où commencer la course après que l'athlète américain se soit échoué à 2 sauts de qualification. Il lui a donné un petit tuyau. « Hey, tu devrais faire ci, ça, ça. Ouais. » Il l'a aidé à mesurer un pied de distance entre quelque chose et d'autres choses, en tout cas, peu importe. Et donc, il s'est qualifié à cause de ce conseil-là. Owen se dit dans un documentaire de 1964 que c'est ça qui a mené à la victoire au saut en longueur. Long a été tué en pleine action lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a reçu un prix posthume donc de conduite sportive, une médaille Pierre de Coubertin pour son acte. Plusieurs croient que l'histoire a été inventée de toutes pièces, mais... Hein? Mais non! Pas mal sûr qu'il y a eu des sources avant de lui donner une petite... Franchement. Là, la mauvaise foi, là. Wow. Ça, c'est de la conduite anti-sportive. Exactement. Ensuite, Eugenio Monti, en 1964, pendant les Jeux olympiques d'hiver en 1964 à Innsbruck, en Autriche, le bobsleigh... italien, Eugenio Monti, a entendu que l'équipe britannique, composée de Tony Nash et Robin Dixon, avait... Oh, que c'est des mots que je connais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'ils avaient détaché un boulon de leur bobsleigh. OK. Donc, après avoir terminé son parcours, Monty a offert à ses rivaux un boulon de son propre sleigh. Ah, c'est gentil. Et donc, les Britanniques ensuite ont gagné l'or. Wow. Monty, l'Italien, et son équipe, eux, sont arrivés en 3e. Donc, ils ont, par générosité, donné une pièce qui manquait à leur bobsleigh. Ouais. Hein? C'est ça. Plus tard, on lui a demandé s'il avait regretté d'avoir partagé ses pièces comme ça. Et puis, Monty a répondu, « Nash n'a pas gagné l'or parce que je lui ai donné un boulon. Il a gagné l'or parce qu'il était le plus rapide. » Ben oui. C'est vrai que le boulon n'a rien à voir. C'est sûr qu'il n'aurait peut-être pas pu faire la course. Mais en tant que tel, c'est pas une question de boulon, non, de vitesse. Non, exactement, c'est ça. T'sais, ça n'a pas rapport. Bref, il a reçu la médaille Pierre de Coubertin et Monty était très heureux. Donc, il a ramené plus tard ses propres médailles d'or, en fait. Il a gagné une paire de médailles d'or 4 ans plus tard aux Jeux de 68. On parle de la médaille Pierre de Coubertin, donnée à des gens qui ont montré une belle conduite sportive ou qui ont aidé les sports olympiques. On parle de Lawrence Lemieux. Lawrence Lemieux, en 1988, c'est un Canadien qui était en 2e place pendant la compétition de la classe fine aux Olympiques de 88 à Séoul, en Corée du Sud, alors qu'il a vu une paire de gens de Singapour dans une course tout près, leur bateau était rendu à l'envers. C'est ça, capsize, je pense que c'est finir à l'envers, réalisant qu'ils étaient en danger de se faire transporter par le courant. Lemieux a abandonné la course pour aller les aider. Oh. Et après avoir réussi à amener les deux marins sur son bateau, Lemieux a attendu que l'aide arrive avant de pouvoir retourner à sa propre course. Éventuellement, il a terminé la course, mais en 11e place. On l'a crédité avec une 2e place, étant donné qu'il y a, j'imagine le temps qu'il a passé à sauver, ajouté à ce qu'il avait fait, il serait arrivé en 2e. Probablement. Il a reçu la médaille quand même, Pierre de Coubertin. Ensuite, Vanderlei Cordero de Lima en 2004. Au jeu d'été à Athènes, le coureur brésilien Vanderlei Cordero de Lima était en première place du marathon pour hommes avec 4 miles à faire. Et ensuite, il y a un prêtre irlandais qui a sauté de la foule et qui a attrapé Lima pour un bon 7 secondes. What? Le délai était bref, mais ça a peut-être coûté à l'athlète une meilleure place. Il a manqué l'or par plus d'une minute et l'argent par plus de 40 secondes. Oh non. Évidemment, on ne sait pas comment il aurait performé pendant les derniers miles, parce que, bon, en tant que tel, ça a été affecté quand même par notre prêtre. Donc, le Comité international olympique a refusé de changer le résultat de la course, mais ils lui ont quand même donné la médaille Pierre de Coubertin en plus de son bronze, parce qu'il a quand même gagné le bronze. Ouais. Avec son délai de 7 secondes par le prêtre. Bref, plus d'une décennie plus tard, la reconnaissance a continué. De Lima qui a été choisi pour allumer la flamme olympique à Rio en 2016. Et on termine avec Charles Ladany en 2007, qui a aussi gagné la médaille Pierre de Coubertin. Donc, c'est un race walker, c'est ceux qui marchent avec... Il faut qu'il y ait tout le temps que le talon soit en contact avec ça. Oui, bref. C'est un Israélien qui a appris par lui-même ce sport-là, Charles Ladany. Il s'est jamais médaillé, il a jamais été médaillé aux Olympiques. Est-ce qu'on peut se médailler soi-même? Je pense pas. Non. Bref, mais sa persévérance et son caractère étaient très importants et ont été très appréciés. Quand il avait 8 ans, Ladany a survécu à un camp de concentration, Bergen-Belsen. Et comme c'était pas assez, bien sûr, dans sa vie, il a survécu aussi au massacre de Munich aux Olympiques de 72. Même si un des journaux avait dit qu'il était mort, il n'était pas mort. Oh! Et donc, ces deux presque morts, ces deux presque décès dans sa vie l'ont mené à réussir quelque chose de plus grand dans sa vie. Et en plus de ses performances athlétiques, par exemple, il a gagné le World Championship du Race Walking et plusieurs médailles d'or aux jeux qu'ils appellent les Jeux de Maccabia. Ladany parle 9 langues, il a 8 brevets à son actif, il a écrit plus de 11 papiers, là, pas des études, mais des universitaires. Des recherches. Des recherches universitaires. Et des douzaines de livres. Il est aussi professeur en ingénierie industrielle. Et en 2007, il a ajouté gagnant d'une médaille Pierre de Coubertin à sa liste, alors que le CIO l'a honoré pour... Outstanding Services to the Olympic Movement, donc service extraordinaire pour le mouvement olympique. Wow! Des gens qui ont gagné la médaille Pierre de Coubertin. Et voilà pour son foutu palmarès. C'était un bon palmarès, Mathieu. Hey, merci, t'es fine. Ça me donne envie d'aller entendre, je sais pas pourquoi. Là. J'ai l'impression que des fois, les gagnants de médailles olympiques là, font une petite pause. Ben oui. Ils ont l'air d'un boys band, des fois. Fait que ça me donne envie d'entendre les Spice Boys. Oh! Tu me diras, mais qu'est-ce? Une nouvelle entrée des palmarès anglophones. Voici leur chanson thème Spice City Boys. Assemblage requis. sondage de qui. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage requis en ce mardi 13 février 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ouais, on vient d'apprendre live en direct que Marc-Olivier Dumas ne sera pas avec nous pour sa chronique à Spy Flushé à 8h. Hein, il sent pas bien. Hein? Ouais, oh, c'est quelle ça. Tristesse. Ouais. Remets-toi vite, Marc-Olivier. Oui, de tout ce qui t'afflige. Hein? Oui. Donc à la place, on va faire du sexe, mais ça devrait pas, là, dans une demi-heure environ. Avant ça, par contre, ça va être la chronique de Tania. Tania, oui? Is gonna entertain ya. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les suppléments vitamines. Mais les compléments alimentaires, okay. Tout ce qui peut aider notre routine, notre régime peut-être. Et on va dériver un petit peu là, vers l'entraînement et aussi les Jeux olympiques. Ah, ben quand même! C'est comme une belle petite ligne directrice une de curling, chronique. Curling, comme on pourrait dire. Ah, c'est pareil. Direct avant sur ça... le piton. OK. Avant ça... le milieu d'un jeu de curling, oh, c'est oui, un oui. piton. Excuse-moi. Oui, oui, non, t'as raison. Ouais. Ce que je pensais au début de l'émission où on parlait de trucs. Non, non, ma- hein? Non. Ça, Mathieu, c'est écoute, non. On écoute Allo Monde avec Du Pouvoir, version alternative en anglais et en français. À Assemblage Rock. Avec Du Pouvoir, Power, version anglo et franco. Un petit melting pot culturel. On aime ça, c'est bon. Oh, mais hein, c'est bon. presque aussi bon que Tanya is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's just gonna entertain ya. Supplément, complément, vitamine, autre truc qu'on prend pour s'aider dans la vie un peu. Exactement, tu viens de le dire, il y a beaucoup de gens en fait qui se tournent vers une espèce de supplémentation, donc aller chercher d'autres trucs pour arriver à ses fins. Et la prise de compléments alimentaires, c'est par exemple, ça peut être un palier ou encore une carence en quelque chose pour donner une espèce de coup de pouce là, à notre routine habituelle, soit de perte de poids ou encore de fitness ou d'endurance. Manque de soleil des fois aussi. Manque de soleil, ça peut être de l'endurance. Tu sais, il y en a vraiment pour tous les types de ce que vous recherchez, en fait. Et pour aider, en fait, à réduire un petit peu la confusion qui règne dans ce monde-là, eh bien, je vous invite à aller faire un tour sur deux sites Internet en particulier. Donc, l'Office of Dietary Supplements, l'ODS, qui est un organisme américain, qui dépend du National Institute of Health, où on voit vraiment là, les grandes lignes de ce que c'est des suppléments, en quoi est-ce que ça devient une limite et en quoi est-ce que ça devient illégal aussi, parce qu'il faut le savoir, à certains moments, c'est illégal. Donc, il y a des fiches santé qui ont été produites par des professionnels de la santé et les consommateurs qui peuvent aussi aider à comprendre ce qu'on sait sur l'efficacité des suppléments, mais aussi sur la sécurité de nombreux ingrédients, dont les suppléments alimentaires qui sont promus, par exemple, pour la forme physique ou encore la perte de poids. Donc, c'est comme important de comprendre que les suppléments ne font pas tous la même chose. Hein? Okay. Si vous décidez de prendre, je sais pas moi, de la vitamine C, vous allez pas perdre du poids, là, t'sais. Vous allez avoir plus de vitamine C. Donc, il y a une nécessité, en fait, d'une espèce d'éclairage au niveau de la connaissance sur les suppléments. Et on s'est posé la question aussi, est-ce que ça aide vraiment notre routine d'entraînement ou encore notre régime? Mm-hmm. Est-ce que ça change quelque chose? Bien, dans un cadre juridique de l'exploitation du complément alimentaire, il y a différents pays qui se sont mis à l'étude parce que, bon, ça se vend de façon mondiale. Il y en a plusieurs qui l'utilisent, pas seulement ici en Amérique du Nord, mais vraiment mondialement. Et il y a des alicaments, des nutracitiques qui sont majoritairement disponibles aussi sur Internet, qui viennent de plein de pays différents. Donc, on a un petit peu, parfois, une difficulté à savoir ce qui est vraiment à l'intérieur de nos produits. Et c'est une nécessité, en fait, d'obtenir de plus en plus de réseautage au niveau des connaissances sur ce qui se trouve à l'intérieur de nos suppléments. C'est pas un luxe, mais ça permet d'éviter une automédication qui va être incontrôlée. En fait, on veut vraiment que ça soit bien contrôlé. Donc, en Europe, depuis quelques années, on a décidé d'observer, en fait, un phénomène qui est déjà bien connu aux États-Unis. C'est l'essor important de la consommation des compléments alimentaires. Donc, le marché du complément alimentaire, ça arrête pas de grossir, là. C'est incroyable. Depuis quelques années, c'est encore plus qu'incroyable. On parle de chiffres d'affaires, mais surtout en termes de produits disponibles sur le marché. Le consommateur va se trouver face à un nombre quand même assez important de produits de marque, de composition, des cocktails aussi qui vont être diffusés grâce à des points de commercialisation, donc pharmacie, magasins à grande ou moyenne surface, des magasins diététiques, par exemple, des magasins de sport, des salles de sport, Internet. Oui. Et bien évidemment, le démarche à domicile, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. La vente un à un, c'est puissant ces temps-ci. Le pyramidal, donc, mais pas... Ouais, mais c'est oui, ça, c'est même, mais non. Légal. C'est ça. Donc, c'est pourquoi, dans un souci de protection, dans un souci d'information du consommateur, l'Union européenne a décidé d'établir des règles, en fait, pour cadrer la fabrication, l'importation et la vente des compléments alimentaires. Chose qu'on n'a pas nécessairement partout dans le monde, mais en Europe, c'est fait. Ici aussi, si je me souviens bien, au Canada, c'est quelque chose qui a été établi il y a de ça quelques années déjà. Donc, le consommateur est assuré, en fait, d'une espèce de respect des règles au niveau des produits utilisés qui va se retrouver à l'intérieur de ces suppléments-là. Il lui reste bien évidemment à bien guider l'utilisation telle que c'est recommandé. Tel produit, est-ce que ça va bien avec tel produit? C'est sûr et certain que de consulter un professionnel de la santé, c'est toujours mieux. Toujours. Mais c'est le rôle d'un pharmacien, donc on peut tout simplement aller voir notre pharmacien, demander à ce niveau-là, est-ce que ces suppléments-là peuvent rentrer en ligne de compte avec ces suppléments-là? Est-ce que ça va faire quelque chose? Le nombre de compléments alimentaires, c'est quand même assez important aussi de s'informer sur combien est-ce que qu'on doit en prendre. Et on doit se demander aussi à quelle fréquence est-ce que je dois les prendre. Hein? On prend pas des 6 pilules de vitamine C par 6 heures. Là. Mes gummies de multivitamines sont tellement bons, j'en prendrais 20 dans la journée. Oui, mais t'as lu la posologie. Oui, 2 pages. Et voilà. Le matin. Exactement. Donc, la nouvelle année ou le changement de saison, ça dépend un petit peu de quel complément on parle, mais c'est souvent l'occasion, en fait, de fixer des nouveaux objectifs. On le sait, que ce soit avant l'été, là, on veut un beach party, ou encore avant la prochaine année, là, où on se dit que justement, on va aller au gym et tout ça. Bien, c'est les bonnes résolution qui signifie pour beaucoup que les personnes vont vouloir perdre du poids ou améliorer leurs conditions physiques. Donc, ce sont des objectifs qui sont quand même mieux remplis avec un régime nutritif, avec une activité physique qui va être régulière. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se tourner vers des compléments alimentaires pour booster la routine. Comme on le disait tout à l'heure, aller chercher une espèce d'énergie qui va être supplémentaire, surtout si on a de la difficulté, par exemple, à se réveiller ou si on est une grosse patate de sofa puis qu'on veut se mettre à l'entraînement. Bien, c'est sûr et certain que d'avoir un petit boost pour certains, ça peut aider. Alors à ce niveau-là, il y en a qui vont aller chercher cette énergie-là ailleurs. Pour aider à éviter toute confusion, c'est quand même assez primordial de s'intéresser régulièrement aux nouvelles ressources ou aux nouvelles aussi qui vont sortir par rapport à un produit pour justement mieux comprendre ce qui est connu sur l'efficacité des choses et aussi sur la sécurité des ingrédients qui vont être utilisés dans vos suppléments nutritionnels qui sont promus surtout pour la perte de poids ou encore pour le coup de pouce énergétique là, pour trouver une forme olympique. On s'entend que c'est pas en buvant 3 Red Bull par jour que tu vas vraiment trouver la bonne énergie. C'est pas vraiment ce dont on parle, c'est pas un supplément. Et c'est sucré, c'est extrêmement sucré. Donc, les suppléments diététiques pour l'exercice, pour la performance athlétique, ça couvre des produits parfois appelés des aides ergogéniques. En fait, ça va prétendre améliorer la force ou l'endurance, ça va augmenter l'efficacité de l'exercice. On veut atteindre un objectif de performance beaucoup plus rapidement, donc on veut augmenter la tolérance pour un entraînement qui va être beaucoup plus intense. Les compléments alimentaires qui vont être commercialisés pour l'exercice, pour la performance sportive, ça peut pas remplacer une alimentation saine. Il faut pas penser que tu peux te manger un Big Mac, prendre ta petit supplément, puis tu vas avoir la même énergie. Ouais, c'est fun. Tu sais, on s'entend. Il y a certains qui pourraient avoir une valeur pour certains types d'activités. Oui, on vous l'accorde. Il y en a qui va vous, justement, si vous avez une alimentation saine, que vous avez quand même un niveau d'énergie qui va être bas, bien, vous pouvez consulter très bien votre pharmacien, poser la question, tu sais, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai déjà une alimentation qui est sensiblement très bonne, donc à ce niveau-là, peut-être que ça va faire un changement pour vous. Il y en a qui semblent ne pas fonctionner et il y en a certains qui pourraient être même dangereux. Donc, encore une fois, c'est très important de s'informer. Et il y a des fiches d'information, bien évidemment, pour les professionnels, mais aussi pour les consommateurs, où on va couvrir les ingrédients qui vont être trouvés dans les suppléments de fitness, dans les suppléments d'énergie. On va parler beaucoup d'antioxydants. On va parler de la betterave rouge, la cerise acidulée, les acides aminés qui vont être ramifiés. La caféine, c'est souvent un ingrédient que vous allez retrouver dans ces suppléments-là. La créatine et bien évidemment les protéines. La créatine, par exemple, ça peut aider avec des courtes périodes d'activité à haute intensité. Donc, si vous êtes du type à faire un entraînement par HIIT, donc haute intensité, intervalle, bien, ou encore le sprint ou l'haltérophilie, bien, pour des efforts d'endurance comme la course à pied ou la natation, ça n'aura pas vraiment le même effet. On s'entend, la créatine, c'est pour une courte période. Donc, si on fait de la course à pied ou on fait de la natation, c'est pas calculé comme de la courte période. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment s'informer à savoir où est-ce que ça va être important de prendre nos suppléments. Il y en a certains, comme par exemple les antioxydants, où on va parler de vitamine C, on va parler de vitamine E. Ça semble pas nécessairement améliorer n'importe quel type d'activité physique, quoi que ce soit nécessaire en petite quantité pour la santé globale. Mais au niveau de la santé physique, de la vitamine C, de la vitamine E, si tu décides de prendre 4 caplettes de vitamine C avant d'aller au gym, c'est pas comme un pré-workout. Là. Non. ça change absolument rien. Selon l'OMS, en fait, l'Organisme mondial de la santé, en 2016, il y a plus de 1,9 milliard d'adultes, donc 18 ans et plus, qui étaient en surpoids sur la planète. Et sur ce fameux petit total-là, il y a plus de 650 millions qui en étaient obèses. Donc, selon les pays mondiaux, le drame de l'obésité est de plus ou moins inquiétant. On commence à moins associer l'obésité à un problème de santé mondiale. Aux États-Unis, il y a le plus du tiers des adultes qui sont en surpoids ou encore qui sont obèses. Et il y en a beaucoup qui essaient de perdre ces kilos-là, qui sont quand même assez superflus. Donc, les suppléments diététiques pour la perte de poids, ça nécessite en fait d'être guidé à travers l'ensemble des options qui s'offrent à vous, on s'entend, qui sont en vente sur le marché de la pharmacie, par exemple, ou encore à grande surface, comme on le disait. C'est sûr et certain que si vous allez chercher un pot de poudre pour perte de poids, ouais. OK? Je crois même pas qu'il y a de la poudre pour perte de poids, non, ça se passe, pas. Mais si vous l'achetez, premièrement, assurez-vous de lire les ingrédients, assurez-vous de lire la posologie. Ben oui. Puis honnêtement, sur si on pense à un magasin grande surface là où ça se vend, comme par exemple Walmart, là, je dis ça comme ça, mais à l'intérieur... On avait compris. Mais à l'intérieur, il y a une pharmacie. Oui. Prenez donc une petite deux minutes pour aller vous mettre dans la rangée consultation puis voir avec le pharmacien si c'est vraiment correct. Est-ce que tu mets ça dans les rangées de pharmacie? La plupart du temps, oui. OK, parfait. Donc, les Américains vont dépenser plus de 2 milliards de dollars par année en suppléments nutritionnels qui vont être promus pour la perte de poids. Mais il y a beaucoup... Il y a peu de preuves, en fait, de fonctionnement à ce niveau-là pour les suppléments. Les gens peuvent ne pas savoir qu'il y a de nombreux fabricants de suppléments de perte de poids qui mènent pas d'études chez les hommes pour savoir si leurs produits fonctionnent vraiment. Mm-hmm. On fait les tests ailleurs et on se fie sur des données qui... Sur des souris, peut-être, ou... Qui n'existe peut-être pas non peut-être, plus. Ouais. Donc, les fiches d'informations sur les compléments alimentaires pour la perte de poids couvrent 24 ingrédients. C'est celle qui a été créée par l'ODS. Ça se trouve sur Internet, sachez-le. Donc, on va trouver des produits comme, par exemple, la mangue africaine, la bêta-glucane, le chrome, le garcinia, le thé vert. Souvent, là, vous allez voir le thé vert. Ça va être pris très, très gros sur une boîte pour la perte de poids. Les 7 tonnes de framboises aussi. Donc, ce sont des ingrédients que vous allez être facilement reconnaissables sur un supplément. Vous allez pouvoir justement vous informer si ça fonctionne vraiment, voir avec un professionnel de la santé qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. C'est sûr et certain qu'il y en a qui vont prendre des suppléments pour améliorer leur performance, comme on le disait, physique. Ouais. C'est sûr et certain que, comme on le mentionnait, si vous n'avez pas à la base une alimentation qui va être quand même assez saine, ça ne sert absolument à rien de prendre ça. On s'entend aussi que si vous allez chercher un pré-workout, quelque chose que vous allez pouvoir boire avant pour avoir de l'énergie, encore une fois, informez-vous, surtout sur la liste d'ingrédients de ce qui se trouve à l'intérieur. Mais ça m'amène justement à parler des Jeux olympiques. Ouais, j'essaierai de comprendre le lien. Ben, Dieu sait qu'on a parlé des Russes qui ont été évincés, en fait, des Jeux olympiques de Pyeongchang les 2018. Les athlètes olympiques de Russie. Exactement, qui ont été remplacés par les OAR. C'est confus, l'acronyme OAR, s'il n'est pas expliqué à côté, on dirait que je fais comme un tape. Exactement. En fait, on a été évincés pour dopage, on se rappelle, à la suite des Jeux de Sochi. Et on s'est posé la question, est-ce que Pyeongchang 2018 va être les premiers Jeux propres? Ah, OK. On s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on va avoir des cas de dopage à la suite de tout ce qui est arrivé au niveau de Sochi et au niveau des athlètes russes? Eh bien, sachez que le premier cas de dopage à Pyeongchang a été révélé cette semaine. Traître! Ce n'est pas un Russe. C'est patineur japonais de courte piste qui a été épinglé. En fait, les Jeux olympiques de Pyeongchang ont connu leur premier cas de dopage cette semaine. Faut être un peu naïf pour penser que tu ne seras pas... Franchement, hein? Tout le monde pisse dans des petits pots à côté de toi puis tu te penses que tu ne pisseras pas dedans. C'est ça. Bon, le japonais Kai Sato, qui est un patineur de vitesse courte piste, a été déclaré positif à l'acétalozamide. C'est un produit diurétique qui est considéré comme masquant durant un test hors compétition. Donc, ça peut se trouver à l'intérieur d'un supplément, comme on vient de discuter. C'est pourquoi on dit que c'est important de voir la liste des ingrédients, surtout si vous participez, par exemple, à des compétitions quelconques de sport ou encore des compétitions de fitness. Il faut faire attention, surtout si vous êtes testé pour dopage à ce niveau-là. Donc, tu penses que c'est quelque chose qu'il prenait, mais qu'il était pas, il pensait pas que ça allait être... On le sait pas parce qu'à ce niveau-là, c'est considéré considéré comme un masquant. Donc, okay. Il y a peut-être forte possibilité qu'on voulait masquer le fait qu'on était dopé ici. Mais Sato a accepté d'être provisoirement suspendu. Il a quitté le village olympique. Le comité olympique japonais doit tenir une conférence de presse un petit peu plus tard. Je crois que ça va être aujourd'hui parce que l'article est sorti hier. Mais là, considérant qu'on est 14 heures plus tard, j'ai un petit peu de difficulté avec les changements horaires. Mais il dit qu'il veut se battre, en fait, pour prouver son innocence. Il est extrêmement surpris. Il n'a jamais pris de produits dopants. Donc, à ce niveau-là, c'est pas parce que quelque chose est qualifié de dopant aux Olympiques que c'est dopant dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est peut-être ça. Que quelqu'un l'a mal conseillé. Peut-être. Le patineur devait agir, en fait... comme remplaçant au relais 5000 mètres mardi, chose qui ne sera pas fait, évidemment, parce que pour le moment... Il est au cachot en ce moment. Il n'y est plus. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, aucun athlète japonais avait encore échoué à un test antidopage à des Jeux olympiques d'hiver. C'est la première fois que ça arrive pour les Japonais. C'est le premier cas du côté de Pyeongchang. Et pendant les Jeux olympiques, les contrôles antidopage relèvent de l'autorité indépendante des tests antidopage, donc l'ITA, et les cas positifs tombent sous la juridiction du TAS qui sont transmis de façon complètement directe là, entre les deux entités. Donc, c'est pris très au sérieux, surtout à la suite de ce qui est arrivé avec les athlètes russes. On le sait, ils sont surveillés de très, très près présentement pour ceux qui font partie des athlètes olympiques de la Russie, qui sont sous aucun drapeau russe là, présentement. Eh bien, ils ont des tests, mais tout le monde a des tests de façon incroyable. Même les gars de Slopestyle qui sont en snowboard ont dû faire pipi et ont dû donner du sang un petit peu plus tôt cette semaine à la suite de leurs épreuves. Alors, on voit à quel point c'est pris au sérieux présentement du côté des Jeux olympiques. Mais c'est un petit peu plate parce que ça fait échouer Pyeongchang comme étant les Jeux propres. Tant d'espoir. On ne sait pas s'il va en avoir d'autres, des cas de dopage, mais pour le moment, le patineur japonais de courte piste a été épinglé. Il est le seul. Mais on va suivre ça de près. Peut-être qu'il ne sera pas seul. Peut-être que non. En passant, je passe par le petit boisé du boulevard des Forges, entre le boulevard des Forges et le campus. Mm-hmm. J'ai vu deux flaques de pipi jaune sur la neige. Fait, je ne sais pas si quelqu'un promène son chien dans le petit sentier ou si quelqu'un se pensait aux Olympiques. Ouais, c'est ça, peut-être, on ne sait pas. Hein? Deux petits pipis. On n'en a aucune idée. À moins 21. Exact. Et sachez que, Marianne Saint-Gelais a été disqualifiée du 500 mètres, mais c'est pas pour dopage. Là. Non, c'est, non, non. C'est pour avoir accroché quelqu'un en patinant. Donc, good, à ce niveau-là, il n'est pas question de dopage. Le petit japonais est le seul dopé. C'est pas sa grandeur, Tania. Ouais. Mais il est japonais, donc il doit être... Attends. Je veux pas dire qu'il est petit en grandeur. Ouais. Les patineurs ont quand même une shape assez svelte, exactement. Quand je voulais dire petit, bien c'est svelte. Petite taille. Petite circonférence de taille. Exactement. Petite circonférence de taille. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania, je connais tout, il y a tous les matins à Assemblage Rocky. Tiens, si tu veux faire ton pipi après avoir couru, il faut que tu te touches la zone. Donc voici Running Touch avec Courtesy. Wow. Ouais, merci. J'aurais espéré que tu craches ton café plus que ça, mais... Non! Justement, à ce moment-là, sachant que c'était là où il fallait que ça se passe, que inconsciemment, quelque chose s'est passé parce que tu savais qu'il fallait que ça se passe à ce moment-là. Ah! On recommence ça un peu, là. Hein? Alors, as-tu l'impression que peut-être justement, que à ce moment-là, sachant que c'était là où il fallait que ça se passe, que tu savais qu'il fallait que ça se passe à ce moment-là. C'est la question la moins claire de l'histoire des Jeux olympiques, mesdames, messieurs. Cette question a été posée à Sébastien Toutain à la suite de sa deuxième descente en slopestyle un petit peu plus tôt cette semaine. Écoute, j'ai même pas passé de commentaires sur la question. Je vais tout simplement dire que je sais pas comment il a fait pour répondre à cette question-là. J'aurais répondu « ouais, ouais ». Non, la réponse a été claire. La réponse a été merveilleusement bien tissée. Je lève mon chapeau à Sébastien Toutain pour avoir été capable de répondre à une question comme celle-là. Enfin, elle veut savoir si... Sans trop y penser, tu savais qu'il fallait que tu accomplisses quelque chose. Tu sais, c'est qui est comme la base d'un sport. Là. Écoute, t'es aux Jeux olympiques. Non, je me suis dit, bah, tu sais, ça pourrait être le fun quand même d'avoir une médaille. Je me suis dit, hein, pourquoi pas? Je suis déjà là. Je suis en haut de la pente. Pourquoi pas descendre? Voilà. Écoute. Eh boy. Mais. ouais. Ah, ouais. Ça vaut la peine d'être écouté sur repeat pendant des jours de temps, cette chose. Malheureusement. La journaliste n'a pas Facebook. Ah, elle a aucun Facebook officiel. Elle l'a retiré, c'est la vie. Il n'y a personne qui peut lui envoyer. Mais je suis persuadée que ça va devenir un running gag. Vraiment. J'espère. Faut un remix d'une chanson techno avec ça dessus. Tu sais, c'est difficile le live. Oui. C'est très difficile faire du live à la télévision. Ouais. T'es aux Olympiques. C'est peut-être la première fois qu'elle pose des questions peut-être. Aux Olympiques. Traîne tes cartons. Mais... Prends 30 secondes avant de poser une question. Bref, on revient, on s'achète des gadgets sur Internet avec 5 semaines, ça ne répond là. As-tu l'impression que peut-être justement à ce moment-là, sachant que c'était là où il fallait que ça se passe, que inconsciemment quelque chose s'est passé parce que tu savais qu'il fallait que ça se passe à ce moment-là? À son âge de qui? Et toi aujourd'hui? À son âge de qui? We'll be right back. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Deuxième heure à l'Assemblage requis en ce mardi 13 février 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Notre compteur dans le coin de l'écran, nous, c'est fou, c'est le compteur des bâillements que je fais pendant l'émission. Oui. Et je pense que je suis rendu à 42. Oh mon Dieu. Juste pendant la première heure. C'est précis. Ouais, donc je te rends hommage. Oui. En me rendant hommage, mais okay. En te dédiant cette chanson qui s'appelle Fatigue de victime. T'es si gentil. C'est plaisir. De victimes, parce que nous sommes victimes de fatigue. Tu dis, c'est incroyable. Hey. Hein? Ouais. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Une chance qu'on a du café. Oui, merci au café. Oui, on va s'acheter plus de café et plus de gadgets sur Internet. Non, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a à la chronique, on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux le matin pour se réveiller un petit peu après une dure et courte nuit? Il y a du café, mais aussi du bacon. Réveillez-vous de la façon la plus magnifique au monde avec du bacon fraîchement cuit, avec cette alarme bacon, Bacon Alarm Clock, qui va vous réveiller avec l'arôme du bacon prêt à manger. OK. Hein? Donc, c'est une boîte de bois. On dirait vraiment pas un produit que tu peux acheter, mais tu peux l'acheter. Là. Mais ça a l'air fait pas mal à la main. Hein? Mais c'est un petit cochonnet en genre de prisme rectangulaire avec un nez devant, des oreilles sur le dessus et sur le côté, un tiroir fait pour faire cuire son bacon. Et dedans, il y a, j'imagine, un élément chauffant. Quelque chose c'est comme si ça. Bien passé. C'est beau. Hein? Donc, le Bacon Alarm Clock. Ensuite, c'est le 28 jours sans alcool pour nous, Tania et moi, ce mois-ci. C'est bien malheureux. Il y en a qui veulent continuer de boire quand même, sauf qu'ils savent pas s'ils veulent un verre ou une bouteille. Tu sais, tu bois même la bouteille, t'as l'air, t'as l'air bas de gamme. Tu bois dans un verre, t'as l'air d'avoir plus de classe. Mélange les deux ensemble et t'as le Guzzle Buddy! Le Beer Bottle Glass. Hein? Donc, c'est un verre à bière. Fait à la main, qui se visse sur n'importe quelle bouteille de bière, vous permettant de boire à même la bouteille et à même le verre en même temps. La classe est là, c'est sûr. On a donc un petit manchon 100% silicone qu'on visse à la base du verre et on met ça sur le goulot de la bouteille pour créer un saut. Hein? Et ensuite, on penche la bouteille par en haut, par en arrière. Et on se met à boire et ça va au congélateur si vous préférez faire glacer votre verre à la place de mettre de la glace dedans. Ça va au lave-vaisselle une fois terminé. Tu peux aussi prendre une bouteille de cidre, de liqueur, n'importe quel alcool fort. Parfait pour ceux qui boivent beaucoup d'alcool ou même juste ceux qui boivent en général. Parce que t'es pas obligé de boire de l'alcool pour pouvoir faire fêter ça. Il y a des bouteilles de liqueur qui sont en forme de bouteilles de bière. C'est vrai? C'est ça. Ensuite, tu connais peut-être l'option sur certains Mac. Les anciens Mac, les plus récents, ont un USB-C, tout ce qui est plus traditionnel. Mais les anciens avaient un connecteur MagSafe. Oui. C'est le petit aimant. Donc, quand tu t'es chargé dans le fil, l'aimant faisait que ça se détachait et tu échappais pas ton ordinateur par terre. Tu peux maintenant faire la même chose avec n'importe quelle prise de courant. Alléluia! Donc, le MagSafe Connector, inventé en 2006 par Apple, un port magnétique sur les ordinateurs. Et bien maintenant, on peut l'avoir pour le mur avec le Tug Adapter de la compagnie I Love Handles. Donc, le Tug, c'est un adaptateur en deux morceaux qui se séparent par aimant. Une partie se branche dans la prise murale et l'autre s'attache au bout de votre fil normal, le courant. Et on les met ensemble, ça donne un contact électrique. Et quand tu t'enfarges dedans, ça débranche. C'est vraiment magnifique et parfait. Un peu cher, évidemment. Un seul Tug coûte 20 US. Sinon, c'est 50 pour un emballage de 3. Mais pour ceux qui s'en ferment souvent dans leur fil, ça pourrait valoir la peine. Et en plus, ça ressemble à un produit Apple. Donc, je le recommanderais, je pense. Faudrait que je l'essaye avant, mais quand même. ilovehandles.com, c'est un de ceux qui me tente le plus. Ensuite, dans la chambre à coucher, des fois, t'as peut-être de la misère à dormir un peu. Hein? T'aimerais pouvoir avoir un spray magique. Tu sais, mes liesses ont un petit spray pour éliminer les monstres. Ah ouais? C'est cute quand même. Ah, c'est mignon. C'est vraiment mignon. J'ai jamais eu ça. J'avais un bat de baseball. Non, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est blague. Tu voulais que les monstres viennent te voir. Ouais, c'est ça. Hey, j'aime ça les bad boys. il te faut donc le Deep Sleep Pillow Spray. Oh, OK. Il faut inhaler ça de façon douce pour avoir une meilleure nuit de sommeil. C'est par la compagnie This Works. Tu sais, quand ta compagnie s'appelle Ça Marche. Oui. This Works, ça me fait douter un peu. Parce que... oui, t'as raison. Je veux savoir. Ça parle de quoi? J'aime pas ça quand tu fais ça. Je veux savoir. Je te dirais à l'extérieur des ondes. OK. je comprends, ouais. Quand tu dis être quelque chose, mais que tu l'es clairement pas. Exactement. On connaît ça. Tout bref, pour vous endormir, vous relaxez plus rapidement que jamais auparavant avec ce spray. Hein? Quelques petits sprays ou push de ce spray qui est éprouvé en clinique, dit-il. Dit la compagnie, ça marche. Donc, vous allez vous endormir plus rapidement et vous réveiller plus rafraîchi que jamais. Une bouteille pour 42 $ canadiens. C'est une bouteille de 75 ml, 2,5 onces liquid. On reste dans la chambre à coucher. Tu connais Lee Murphy? Oui. Joué dans plein de films des années 80. Oui, non? Exactement. Ça, c'est Eddie Murphy. Oh. Son frère, le Lee Murphy, c'est le Lee qu'on peut remonter, qui s'installe dans le mur comme. Oui! Qui paraît pas. Qui descend. Qui descend, qui monte. Qui monte. C'est ça. Bref, mais maintenant, on peut l'avoir en format armoire Murphy. Ah ouais? C'est particulier quand même. Donc, ça utilise une... on peut couvrir n'importe quelle ouverture, par exemple une bibliothèque ou un meuble, peu importe. Et dedans, tu vas avoir des portes, un peu comme un réfrigérateur. Donc, t'as comme un walk-in de vêtements, par exemple. Hein? Donc, ça se vire de bord, et là, ben, t'as, mettons, une rangée de vêtements, et puis en arrière, t'as une autre rangée de vêtements. Okay. Mais tout ça est escamotable dans le mur. Ah, c'est le fun, ça. Et t'as quand même des armoires en bas et tout ça. Donc, ça peut être des tablettes, ça peut être n'importe quoi. Et les portes varient par rapport au prix, aux matériaux, au style, mais quand même, c'est comme une bibliothèque intégrée au mur, pareil comme un lit. Les Murphy Doors sur le site de Murphy Door, sinon Murphy, themurphydoor.com. Voilà. Il y a même des accessoires pour les portes, entre autres pour pouvoir les barrer à clé. Serrure magnétique avec télécommande optionnelle, des kits d'éclairage et même un scanner d'empreintes digitales pour protéger vos armoires. Fouin. Ensuite, un vrai produit qui existe, ça j'ai trouvé ça vraiment cool, peut-être l'as-tu vu passer, c'est pour ceux qui aiment regarder peut-être les vidéos de Dr. Pimple Popper, on aime beaucoup Dr. Oui, Pimple Popper. Oui, on adore ça. C'est qui fait éclater des kisses. Ah mon Dieu, que c'est plaisant. C'est tellement plaisant à regarder. Ben, ceux qui aimeraient ça, pouvoir se péter un bouton tout le temps, mais sans se faire mal et sans en fait nuire à l'avancée, à la guérison de tes boutons. Ben, c'est comme un simulateur de pétage de boutons. OK. Ça s'appelle le Puppet Pal. C'est un morceau de silicone à 20$ qui permet aux gens donc de popper 15 faux boutons. C'est disponible en peau plus claire et en peau plus foncée. Il y a un refill, un petit contenant de 3 onces de, entre guillemets, pu. Hein? Et aussi un outil de remplissage pour réussir à faire intégrer le pu dans le morceau de silicone. Ah. D'autres bouteilles de pu, entre guillemets, sont disponibles pour 6$. Et ça va passer le temps un petit peu comme péter des bulles. Sauf qu'à la place, vous pétez des boutons et en regardant la vidéo, ça ressemble vraiment, vraiment à un bouton qui sort. Et c'est vraiment dégueulasse. Puppet Pal. En effet. C'est affreux. Allez voir ça sur assemblagewiki.com. Je recommande d'avoir déjeuné il y a quelques heures. Oui. Ouais. Ensuite, tiens, parlant de manger, un nouveau jeu de table, mais pas vraiment ça à table, un jeu de société, entre guillemets, comme on appelle des fois, ça s'appelle Chow Crown. Est-ce que t'as entendu parler de Chow Crown? Non. C'est un nouveau jeu de la compagnie Hasbro où vous allez essayer de manger la nourriture qui tourne autour de votre tête. OK. Tu sais, après les jeux de crème fouettée, de s'envoyer de l'eau dans la face, il y a plein de jeux qui sont très, très physiques de nos jours. Mm-hmm. Des jeux qui ont besoin d'accessoires comme des guimauves ou des trucs comme ça. Bref, ici, le jeu Chow Crown, c'est un jeu de Hasbro qui va sortir à l'automne prochain, qui devrait être un assez gros succès. On essaie de manger autant de nourriture que l'on peut à partir des petites fourchettes qui sont situées sur le chapeau, alors que tout ça tourne autour de ta tête. Comme une, hey boy. C'est un orbite autour de ta tête. Donne mal au cœur, dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu pourrais mettre des morceaux, des petits blé d'Inde, des guimauves, des morceaux de chocolat, des trucs comme ça, des biscuits. Hein? T'attaches après les petites fourchettes et le tout, il y a un moteur dans le chapeau. Et ça tourne autour de toi, d'un côté et de l'autre. Il faut que t'en manges le plus possible avant que la musique arrête. Wow! C'est vraiment bizarre, ridicule, mais ça a l'air le fun. Et les fourchettes sont toutes pas de taille différente, en fait, pas vraiment. Ils ont l'air d'être pas mal toutes de la même taille. Mais je pense que tu peux les installer comme tu veux sur le chapeau. Ça a l'air divertissant. Ben oui, ça doit. Pour un petit party, là. Chow Crown de Hasbro. Ensuite, on y va avec quelque chose pour serrer tes affaires dans le garage ou peu importe, dans ta maison. Tu sais, des fois, tu déménages puis tu arrives dans ton nouvel appartement et tu défroches jamais les boîtes. Il y a des boîtes que tu défroches jamais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vrai. J'en ai plein. J'ai comme au moins 2 boîtes. Je pense que c'est moi, peut-être 3 que j'ai pas défait parce que c'est pas assez important. Hein? Ben là, après ça, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes-là? Tu sais, que ce soit des boîtes de plastique ou des boîtes de carton, mais il y a un système qui s'appelle. Ça s'appelle Quick Peek Smart Storage Labels par la compagnie Blue Lounge. Donc, tu vas attacher des petits codes, un peu comme l'équivalent des codes QR, là, qui étaient bien à la mode il y a quelques années, là, mais des petits codes barres, si on veut. Tu mets ça sur tes boîtes et sur tes bacs de plastique. Et avec l'application, tu vas pouvoir scanner l'étiquette. Et l'application, bien évidemment, il faut que tu l'aies remplie à l'avance, mais l'étiquette est liée avec son propre numéro à l'application pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc, avant de fermer la boîte, avant de poser l'étiquette, tu prends en photo ce qu'il y a dans la boîte. Et quand tu fais imprimer l'étiquette, bon, ben, c'est lié ensemble. Simple quand même. Ça crée une boîte à l'intérieur de l'application. C'est super simple de voir ce qu'il y a à l'intérieur de tes boîtes. Voilà. Quick Peek Smart Storage Labels par Blue Lounge. Ensuite de ça, continuons avec de la traction pour vos pneus. C'est un peu particulier. Je sais pas trop. J'ai jamais vu ça avant. C'est des bas pour tes pneus. Mais des bas de traction. Pour garder le contrôle, entre guillemets, de ton véhicule sur la route glacée. C'est des bas, donc c'est comme des. Un peu comme quand tu te fais redonner tes anciens pneus par ton garage qui a changé tes pneus. Ouais. C'est un genre de plastique particulier. C'est un peu le même genre. Ça ressemble aussi à un casque de bain. Mm-hmm. Hein? Donc, c'est élastique vers l'intérieur de la roue. Et littéralement, tu vas venir envelopper ton pneu comme ça. J'imagine qu'il te faut un cric pour pouvoir aller jusqu'en dessous du pneu. Probablement. J'imagine. On dit que c'est pas cher, que c'est lavable à la machine et que c'est fait d'un matériel breveté qui permet une traction supplémentaire à des vitesses jusqu'à 25 miles à l'heure. Et ça, en kilomètres, c'est 11,17. Ouh! Fait que pour sortir de ton parking, après ça, tu remets ton cric, tu renlèves c'est ça, tu renlèves les bas. Hey, hein? C'est de toute beauté pour les 3-4 jours où ça pourrait être valide. 130$ pour l'ensemble. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Oui. Il faut se le dire. 11 km/h. Ensuite, Tania, t'es au courant, je te prendrai rien. Ça commence à faire longtemps qu'on en parle. La célèbre folie de manger des Tide Pods. Ah, mon Dieu, là, là. Ah, je le sais. Mais aimerais-tu ça, pouvoir faire comme les jeunes, manger des Tide Pods, mais ne pas mourir après? Mais non, ça doit goûter vraiment terriblement mauvais. Mais ouais, mais pas si t'achètes les Multivitamin Laundry Detergent Pods. Ah non! Pour avoir le rush du défi Tide Pods, tout en améliorant votre santé, c'est des multivitamines, mais en forme de Tide Pods. T'es sérieux? Quand tu mords dedans, les pods, délicieux et bons pour la santé, vont relâcher un liquide multivitaminé rempli de vitamine A jusqu'au zinc. Donc tout de A à Z est inclus dans ça et ça ressemble étrangement à des Tide Pods. Wow. L'emballage coûte 7,32 canadiens. Pour faire la blague, genre, ah, gars, moi, je suis capable de manger des Tide Pods. Ah, oui, mais là, c'est complètement stupide. C'est sur GoFundMe.com en ce moment. Ils ont pas encore atteint leur objectif, malheureusement. Leur objectif est de 5 000$. Ils sont rendus à pas grand-chose. Il leur reste encore 19 jours. Ça s'appelle les VitaPods Vitamin Candy. La photo sur l'article montre des vrais Tide Pods, alors que les vitamines en tant que telles ressemblent pas autant aux Tide Pods. Ouais. Ils sont tous de la même couleur, genre complètement vert, okay, complètement bleu. Faut pas se faire poursuivre par Tide. T'sais. Une chance. La photo est trompeuse, en fait. Ouais. Ensuite, quand tu veux protéger tes choses à la maison, ok, tu vas mettre ça des fois sous le matelas, oui, hein, dans le congélateur. C'est vrai. Des trucs comme ça. Mais tu veux vraiment passer le plus inaperçu possible, tu pourrais te procurer un faux panneau de courant électrique. Tu sais, là, les panneaux, oui, qui ont ces murs. Ben oui. Mais ça remplace ça et c'est un coffre-fort. Ah, c'est bien. C'est déjà quand même, c'est le Console Vault Wall Safe. Donc, un coffre-fort caché, secret, déguisé en panneau électrique, tout ce qui est le plus normal pour protéger vos choses, documents, armes à feu. La plupart des voleurs, évidemment, n'auraient même pas penser à regarder dans un panneau électrique, donc quand même, ça pourrait être une bonne chose. Je sais pas. Il y a un cadenas à combinaison avec 1000 possibilités. T'as une porte en acier, je sais pas trop, 12 gauge, paquet de trucs vraiment qui ont l'air très très sophistiqués. Et une serrure qui est résistante au drill, à la perceuse. Et contrairement à une vraie boîte d'électricité, pas besoin d'électricien pour l'installer. Ça s'installe par soi-même en 20 minutes environ. Ensuite, on peut se faire imprimer des répliques en 3D des jouets d'enfance de notre ami Einstein. Hein, okay. Pour les enfants, tu sais, les jouets pour enfants, j'aime bien les petits jouets qui sont là pour développer un petit peu plus leur cerveau, tu sais, des jouets qui améliorent l'aspect cognitif de la chose. Mais c'est ce qu'on peut faire en leur donnant les jouets d'un génie. Hein? Oui. Donc des répliques 3D, des jouets que Albert Einstein utilisait quand il était jeune. C'est la Lego Foundation en association avec Unilever et IKEA qui viennent de lancer Open Einstein, un site où on peut télécharger des kits d'impression en 3D qui permettent donc de faire des copies exactes des jouets en blocs de bois que le physicien gagnant de prix Nobel Einstein avait quand il était jeune en Allemagne. C'est cool, hein? Mm-hmm. Donc, les kits, ça donne le design pour 36 blocs jouets de différentes grandeurs et différentes formes. Einstein avait donc une boîte de blocs comme ça, fabriquée par une compagnie allemande nommée Ankerstown Bikenstein, qui est présentement la propriété d'un collectionneur nommé Seth Kaller. Et on peut l'acheter en passant de Monsieur Kaller directement si on a 160 000$ US. Ouais. Pour avoir les vrais. Mais je pense que les 3D devraient faire la job quand même. Ça contient des instructions pour une fraction des 160 blocs dans l'ensemble d'origine qu'Einstein aurait utilisé pendant toute son enfance pour créer des structures complexes à la maison. Donc voilà, si vous cherchez ça, c'est sur assemblagerequis.com que vous allez trouver le lien. Voilà. Ensuite, un parapluie main libre. Hein, tu sais, tu veux te promener dans la rue, tu veux pas avoir à traîner ton parapluie. Hein? Peut-être même pour un enfant, tu veux pas avoir à lui faire traîner ton parapluie pendant qu'il est en train de jouer avec d'autres choses. Donc, l'enfant ici a l'air très, très heureux de porter ça. C'est comme un genre de sombrero, hein, dans lequel ta tête passe avec une petite jupette de plastique sur tes yeux. Dieu. Hein? Et l'eau vient dans le genre de sombrero. ça... Ça de toute beauté! C'est vraiment magnifique. Allez voir la photo. C'est parfait pour les enfants, pour pas qu'ils se fatiguent à tenir un parapluie. Sinon, les personnes âgées aussi, pour pouvoir relaxer ou tenir sa canne dans la pluie. Ouais. Hein? Donc, parapluie, main libre, léger et facilement pliable. Wow. Toujours pour l'hiver, ça, c'est quand même cool. Tu sais, quand tu reviens à la maison puis que ton entrée est un petit peu glacée, et là, il y a le facteur qui a laissé un petit papier briser la glace, s'il vous plaît. Ouais. C'est plate. Tu pourrais donc t'acheter des tapis chauffants pour ton entrée. C'est les Heat Track Snow Melting Heated Walkway and Stair Mats. Hein? Donc, des petits tapis qui sont faits pour les entrées, qui peuvent être indépendamment ou interconnectés ensemble pour faire fondre jusqu'à 2 pouces de neige par heure, jusqu'à moins 5 degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Ce serait, t'as peur, et moins 5 degrés Fahrenheit en Celsius, c'est moins 15 degrés. Bon. Pour le début de l'hiver et peut-être le début du printemps. Bref, une solution moins chère que d'installer, bien sûr, une entrée complètement chauffée. Plus sécuritaire pour votre dos que de pelleter. Ça va pas causer de dommages au ciment, contrairement à d'autres trucs qu'on pourrait avoir, comme des petites, y a des petites billes qu'on peut lancer de calcium ou je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Bref, on peut s'acheter jusqu'à 5 tapis pour les connecter ensemble, 5 tapis d'entrée, 15 tapis pour les escaliers ou une combinaison attachée ensemble avec une unité de courant de 120 volts. Pour, ben c'est ça, moins 15, c'est pas tant que ça. Mais bon, quand même. Quand même. Quand même. Et on va arrêter là. D'accord. Avec un groupe de 15 gadgets. Bon. Environ. les liens encore une fois sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1202. Mathieu. Oui. Si tu me le permets. Est-ce que c'est les Olympiques? Eh bien oui, c'est les Olympiques. Quoi? Parce quoi que sache que le Canada est maintenant la puissance mondiale au niveau des médailles. Caroline, qui l'aurait cru, hein? Nous avons 10 médailles jusqu'à présent. 3 médailles d'or, 4 médailles de bronze et 4 médailles d'argent et 3 de bronze. Donc un gros total de 10. On a une médaille d'avance sur l'Allemagne pour le moment. Ça tient pas à grand-chose, hein? On va continuer à toucher du bois. Ouais. Pour rester comme ça. C'est quoi la compétition en ce moment, les compétitions? Les compétitions présentement, il reste seulement un match de hockey américain versus Corée. Ouais. Jusqu'à présent. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est terminé pour aujourd'hui. Hein? Il est quand même rendu quasiment minuit là-bas, je crois. Ah, pour vrai? Ouais. Ben, hier, tu avais une compétition live pendant l'émission, non? Oui, hier, ça l'a terminé très tard à cause du vent. Ah, c'est ça. Ouais. Je comprends. On va en musique entendre une pièce de Low Cut Connie. Je sais pas s'il y a une athlète olympique qui s'appelle Connie ou sinon une autre qui s'appelle Beverly, mais la pièce s'appelle Beverly. Tout de suite à Assemblage Requis. Beverly, come on and talk to me. I'm screaming your name. Bent over backwards while you watch the game. You're making faces just to feed the flame. It's such a shame. Beverly, Beverly. Connie avec Beverly à Assemblage Requis. Au retour, si tout va bien, Dominique Nodmavungu. Si tout va bien. L'Afrique. On l'espère. Restez là. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Vous êtes assez tard pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Vous êtes toujours dans l'assemblage requis ce matin, accompagné de Mathieu Plante. Et de Xavier Baudin ce matin. Écoutez, on était censé avoir Dominique. Oui, ce matin. Mais il n'est point arrivé encore. Pas là ce matin. Pas là ce matin. Alors, Mathieu, qu'est-ce que se passe-t-il? Hey! Alors, on va trouver plus d'autres choses. On a des sujets à en plus finir, mais on va commencer ça par un petit bloc musical qu'on appelle le bloc des palmarès. C'est fou! Et oui, c'est le moment de rendre visite à nos très négligés palmarès. Et aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis les précédents palmarès dans un sous-segment qui, lui, s'appelle Palmer Rest in Peace. Les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Elle n'est pas vraiment une fille faite pour toi. Mais c'est ton imprudence qui te mènera où tu voudras. Revis ta naissance, rendez-vous au coin d'une rue. Il attend vraiment, c'était attendu. Vas-y, fais-le vite. les palmarès depuis la semaine du 5 au 11 février 2018. On a commencé tout ça avec Pendentif qui l'a fait pas pire avec Vas-y, fais-le vite, qui restait là pendant 4 semaines. Zimbabwe est tombé de sa branche comme un petit koala avec un retour noir qui a duré 7 semaines. On est allé se perdre avec Fanny Bloom avec Petit Bois qui restait là pendant 9 semaines. Philippe Braque est allé en enfer après la fin du monde qui a duré 10 semaines. Et on a tous quitté avec Buffalo Tom, All Be Gone qui restait là pendant 2 semaines. Carl Métis de Kid a arrêté de prendre sa petite poudre pour y faire les muscles. American Muscle a duré 3 semaines seulement. Et Terry Lightfoot est allé jusqu'au ciel avec Paradise qui restait là pendant 7 semaines. On a choisi une de ces petites pièces-là pour laisser le temps à Dominique Nadmavougou de s'installer dans notre studio. Oui. C'est la pièce qui a duré le moins longtemps, seulement 2 semaines. C'est par Buffalo Tom. On écoute All Be Gone et après ça, ce sera Voix d'Afrique. Was it time of coming and going? A time of wanting but not really knowing. We took the boat out of the water. Already missing my son and missing my daughter. C'est la pièce qu'on a choisie dans le bloc Palmer Rest in Peace pour la semaine du 5 au 11 février 2018. Facilement ma préférée, mais je pense qu'on l'a pas fait jouer parce qu'elle a duré seulement 2 semaines. Mm-hmm. Je comprends pas comment ça arrive. On comprend pas ce qui s'est passé. Il y a eu une craque. Ouais, ça a passé. Ça a passé dans le craque. Ça a passé là. Bref, maintenant, lui, il ramasse tout ce qui passe par les craques du continent africain. Ça n'a pas rapport. Voici Voix d'Afrique avec Dominique Nadmavougou. Thank you. Notre Mavungu. Bonjour Mathieu, bonjour Tania. Bon matin. Ça va bien vous? Oui, t'as réussi à 30 finalement après de multiples problèmes. Mais t'es là. C'est ça exactement. L'essentiel c'est que je suis là. Vive le Québec, hein? Libre. Donc, on parle de nouvelles du continent africain. Il se passe toujours plein de choses dans tous les domaines. Habituellement, là, tu fais le tour, tu ratisses large, je dirais. C'est ça, ouais, exactement, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on va continuer sur la même habitude et tout. Bonne idée. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, déjà, aujourd'hui, on va commencer déjà par parler des poupées sexuelles. Je m'attendais pas. Hein? Ok, les poupées sexuelles. Donc, il est 8h45, on est correct, les enfants sont à l'école. C'est bon, une chance. Donc, bon, je commençais par ça parce que moi aussi, ça m'a comme, quand j'ai vu ça, j'étais, ok. Ça t'a titillé. Ouais, ça m'a titillé et j'ai tout de suite essayé de lire l'article, en fait. Donc, ça dit qu'en Zambie, les poupées sexuelles, elles sont interdites. Ok. Et la police zambienne, en fait, elle est formelle là-dessus et qu'elle sanctionnera formellement. Ils veulent les garder pour eux. C'est ça, en fait. Ils sont tous au poste de police. Ils ont une salle de montre. Exactement. Incroyable. On dit quiconque qui osera utiliser ou vendre une poupée sexuelle, en fait, va en subir les conséquences. Donc, c'est-à-dire que là-bas, le gouvernement est clairement contre ça. Et il ne veut vraiment pas entendre parler de poupées sexuelles et tout. Donc, il faut dire que c'est un pays qui est quand même un peu conservateur et tout. Mais c'est ça la face, tu n'as pas à les entendre parler de poupées sexuelles. C'est une blague. Donc, J'ai fait exprès, juste pour regarder ta face. En tout cas. Donc, vous êtes pas mieux, hein, parfois. Je sais pas. Donc, elle est pleine de rancœur. Bref, oui, c'est interdit, le gouvernement n'aime pas ça. Ouais, c'est ça, le gouvernement n'aime pas ça. Et parce que déjà, ils trouvent que c'est une atteinte aux mœurs du pays et tout. Et au-delà de ça aussi, le gouvernement ne cautionne pas ça parce que c'est un pays assez conservateur aussi, tu vois. Et puis donc, dans les habitudes des personnes et tout là-bas, ça peut choquer un peu. Ouais. Et donc là, ça fait un débat en ce moment aussi parce que d'un autre côté, Les inventeurs aussi de ces poupées sexuelles affirment que d'une part, ça peut être utile déjà parce que ça permettait de combler aussi une certaine solitude que peuvent ressentir aussi les personnes vulnérables, tu vois, mettons telles que les handicapés ou les personnes en déficience et tout. Et ils trouvaient que ça pourrait les accompagner et puis leur servir de support aussi. C'est ça, et aussi ceux qui ont peut-être des goûts qui sont à l'extérieur des normes, qui pourraient être mal vus là-bas, ben ils peuvent peut-être se soulager avec ces poupées sexuelles-là. Donc, ils empêchent de commettre des actes qui seraient répréhensibles pour eux. C'est ça, exactement, t'sais. Et puis ils disaient que ça pourrait aussi faire peut-être baisser les risques de viol ou bien les agressions sexuelles en tout genre et tout. Mais quoique moi, pour ma part, je pense pas réellement que les poupées sexuelles feront peut-être baisser les risques de viol. T'sais, je dis... Non, il va être encore plus sexuellement frustré. Ouais, c'est ça. Ouais. À mon sens, hein. Ouais, ça se tient quand même. Ouais. Ben, en tout cas, donc une chose est sûre, c'est que là-bas, c'est interdit. Et là, ça fait un débat entre les deux parce que déjà, tu sais, d'un point de vue économique, c'est quand même un fonds dont le gouvernement se prive. Tu sais, peut-être que ça peut être un bon marché là-bas finalement, qui sait. Et que les personnes peuvent être intéressées par ces poupées-là. La légalisation de ces poupées-là et vendre dans une société des poupées... je sais pas. Dans un magasin juste pour ça. Géré par le gouvernement. Ben, en tout cas, ça reste à voir. Et puis, on attendra dans les prochaines semaines, il y aura plus de nouvelles par rapport à ça. Et puis, est-ce que la situation va se débloquer? Est-ce que le gouvernement va revoir sa position par rapport à ce fait-là? Ça reste à voir et puis on a hâte de voir la suite et espérons qu'il ne se dégonfle pas. Mais ils vont voir que ce que les gens veulent. À un moment donné, le gouvernement va devoir faire. Ok, bon, on va le laisser. Je sais pas. Ben en tout cas, c'est ça. On va voir. Bon, ensuite. je m'attends à un gag à chaque fin de nouvelle. À chaque prochaine nouvelle, il faut un petit gag. Attention, là, c'est un contrat qui est très difficile. T'es parti là-dessus. Ok, avant de chaîner. Au Zimbabwe, y a eu un feu vert dernièrement pour la construction du statue de Bob Marley. Ok, oh oui, pour vrai. Donc, le gouvernement prévoit construire une statue à l'effigie et ça sera comme aussi une petite place où peut-être des fans et tout pourraient s'y venir aussi. Mm-hmm. Et aussi, ce sera une place aussi au niveau de... Il y aura des prestations aussi, c'est du reggae, un peu comme ça. Donc, c'est un but un peu culturel aussi, et à la fois aussi un peu commercial, pour développer un peu les activités dans la région où la statue sera faite. Et moi, je pense que c'est une bonne idée déjà, mais ça va d'abord dépendre de l'accord de la famille, parce qu'il faut que la famille du chanteur soit d'accord avec ça. Et puis, il y a certaines formalités encore qui doivent être réglées là-dessus, mais c'est un projet... En tout cas, que le gouvernement zimbabwéen essaie de développer. Bon, moi, pour ma part, je trouve que c'est une bonne initiative et tout, déjà au niveau culturel. Peut-être qu'il y a beaucoup de fans de reggae là-bas, au Zimbabwe. Donc, ça peut être aussi intéressant pour eux de pouvoir communier et puis de retrouver, de sentir dans leur élément, en fait. Donc, ça, c'est pas pire. Mais aussi, je trouve qu'il y a... Ça aurait pu peut-être être aussi un artiste même zimbabwéen aussi, tu vois. Ah pas, oui, c'est ça. C'est pas que je suis contre... Il est jamaïcain finalement, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc pas que je suis contre Bob Marley, mais je me dis que je sais pas si... Pourquoi au Zimbabwe je veux dire, ils ont peut-être d'autres artistes à eux-mêmes que les Zimbabwéens peut-être aiment plus, les gens de leur musique à eux. Peut-être faire une statue de ces personnes-là d'abord, tu sais, aller de... On n'empêche pas l'autre, ils peuvent faire les deux s'ils veulent. Ouais, ils peuvent faire les deux. Pourquoi le choix de Bob Marley? Ben, c'est ça, en fait. C'est Elvis. C'est une grande question. C'est ça, ouais. Donc, ils ont peut-être un attachement particulier à... Bon, peut-être qu'il y a une... Je sais pas s'il était en concert là-bas une fois ou bien ça se pourrait. Mais n'empêche que c'est au niveau culturel, c'est bien, c'est une bonne initiative et tout. Donc, on va dépendamment de comment les négociations vont avancer avec la famille et tout, si ça, ils acceptent que le gouvernement fasse des activités commerciales sur le nom aussi de... Oui, exactement, parce que c'est pas là juste pour la beauté de la chose. Non, c'est ça. L'activité touristique, vendre louer des chambres d'hôtel pour pouvoir amener tes potes. Ouais. Ok. Je me demandais si ça allait en faire, fait que j'en ai comme ouais, si ça... Bon, c'est ça. Bon, en tout cas, ça passait. Ça passait. Merci. Donc... en tout cas, on va, ça c'était une information, bref. Donc ça reste aussi à, ça sera confirmé dans les prochaines semaines, en tout cas au Zimbabwe, pour peut-être les fans de Bob Marley et tout, qui sont peut-être allés un peu partout dans le monde aux différentes représentations, ou bien qui ont visité en tout cas les différentes places où il était, où il y avait comme sa présence là. Ce serait pas pire aussi de continuer avec ça. Peut-être aller faire un tour au Zimbabwe et puis prochainement visiter ce monument-là. Ouais, peut-être que ça va devenir la nouvelle capitale du reggae au monde. Ben c'est ça, hein, ça pourrait le faire. Hein. Mm. Ça pourrait le faire, donc on attend de voir la suite. Et moi aussi, je suis très impatient de la connaître. Donc ensuite, on va parler de télé-réalité. Oh! De télé-réalité, en fait, c'est une drôle de télé-réalité parce qu'au Kenya, en fait, c'est une télé-réalité qu'on appelle « Don't lose the plot ». Qui est une non, c'est une télé-réalité qui parle de qui est basée sur l'agriculture, en fait. Ah, oui. Oui. Oui. Okay. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Donc. D'accord. Donc bon, en tout cas, c'est une télé-réalité qui met en scène des participants et on leur donne dedans comme une parcelle de terre et avec celle-là, ils doivent comme la cultiver, essayer de la rendre rentable, essayer de développer cette terre-là. Ah, c'est ouais, elle a été mise en place pour favoriser, faciliter un retour des jeunes vers la terre, c'est qui retournent un peu vers l'agriculture et tout, parce que il y a beaucoup de jeunes, bon, en Afrique principalement, qui on délaisse un peu les champs et tout pour aller comme en ville. Donc si bien que dans les zones rurales et autres, il n'y a pas énormément, il n'y a pas tant de personnes pour cultiver et tout, parce que tout le monde est comme allé en ville, en fait. Ouais. Donc du coup, pour certains gouvernements, ça commence à être difficile de trouver de la main d'œuvre, des personnes qui veulent aller cultiver et tout. Bon, sachant que dans certains endroits, c'est pas totalement encore une agriculture peut-être commerciale moderne. Donc ça se fait encore beaucoup, il y a encore beaucoup d'ouvrages manuellement qui est exécuté par l'homme, tout ça. Donc c'est des tâches que les jeunes africains n'aiment plus tant faire, en fait, en tout cas qu'auparavant. Donc ça fait qu'il y a vraiment une baisse de main d'œuvre dans les secteurs agricoles et tout. Donc le gouvernement aimerait vraiment mettre fin à ce phénomène là au Kenya. Donc du coup, il a mis en place cette émission là pour comme permettre aux personnes d'aller, et à date il y a de bons résultats, ça fait une bonne audience. Et puis il y a des personnes qui Mais je sais pas si, enfin, à cause c'est l'émission qui fait que des personnes se sont forcément retournées à la Terre, mais ça peut aider en tout cas. C'est ça. Et puis, un petit facteur. On sait que les enfants aiment bien ça, jouer à Farmville sur Facebook, là, fait que la version réelle d'aller à la ferme au lieu de la ville. Bon, ouais, c'est ça, en fait. Ça peut être intéressant pour l'économie aussi. Et puis, je pense que d'autres pays pourraient adopter aussi cette méthode, de voir si possible d'essayer d'aller dans le même sens que cette émission-là. Ça peut être pas mal intéressant en tout cas. Et puis, donc, moi, je pense que c'est une initiative à développer pour la plupart des pays africains aussi. Et puis, essayer d'être un peu créatif aussi dedans. Mm-hmm. On sait que les jeunes, ils aiment regarder les télé-réalités et tout ça. T'sais. On en fait une associée à un domaine où on espère tirer quelque chose. C'est un bon plan. Ouais, c'est donc, pas l'amour est dans le pré qui va convaincre les gens de retourner à la ferme. Bon, pas sûr. Pas sûr. Petite terre. C'est tout ce qu'on a ici. En tout cas, non, nous, on n'a pas vraiment d'amour dans le pré. On peut peut-être d'amour peut-être dans la savane. On n'a juste pas d'amour. Hey, that's it, là. L'amour dans la savane, j'aime ça. Peut-être, en tout cas. Ça reste à voir, ça peut être un bon titre de télé-réalité. Ouais. Peut-être. Donc, ensuite, on va terminer par les Jeux Olympiques, en fait. Ah oui, toi aussi, t'es là-dedans. Là. Yeah! Ben, Tania va écouter, là, ça, c'est sûr. Donc, j'ai à fond dedans. Donc, au niveau des Jeux Olympiques, en fait, le Sénégal, il sera le premier pays africain qui va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en fait en 2022. Mais là, ils sont candidats pour les accueillir, mais il y a de fortes chances que ça puisse se faire là-bas et tout. Et puis ça n'avait jamais été fait auparavant dans un pays peut-être africain et tout. Et donc moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour le pays compte tenu des retombées. Et puis ça peut permettre de faire connaître aussi plusieurs athlètes africains à l'international et tout, parce que déjà ça donne comme une visibilité au niveau du pays, et puis une visibilité aussi pour les athlètes. Et pour autre chose que seulement du soccer, c'est tout le temps. C'est ça, c'est tout le temps, généralement ça tourne autour du même sport, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui sont talentueuses dans d'autres sports, mais vu qu'il n'y a pas de possibilité de se développer là-dedans, par finir ils laissent tomber, tu sais, mettons la gymnastique ou bien le tir à l'arc, tout ça. Il y a certaines disciplines qui... Ça prend du monde pareil pour en faire, mais si tout le monde peut pas être comme joueur de soccer ou basket, donc au bout d'un moment, ça serait intéressant. Je trouve que c'est une bonne initiative, en tout cas que le Sénégal ait postulé à ça. Et puis, on verra dans les prochaines semaines s'ils vont comme remporter le choix et que ça s'organise dans leur pays. Moi, je trouve que ça serait vraiment intéressant que ça se fasse. Mais là, ils sont contre des pays qui sont pas africains, j'imagine. Ouais. Okay. Il y a d'autres pays, en fait, un peu partout dans le monde. Mais, tu sais, étant donné que ça n'avait jamais été fait en Afrique et tout, ils ont quand même un bon penchant là-dessus, sur ce continent-là. Et puis, ça tu sais, au niveau économique, c'est quand même les Jeux Olympiques, même de la jeunesse, c'est des futurs athlètes qui vont aller comme aux prochains Jeux, aux JO, tu sais, les vrais JO. Donc, c'est la première fois qu'ils viennent. Prochainement, il y aura peut-être possibilité de voir de belles choses là-bas et puis de découvrir d'autres athlètes. Même le monde entier aura les yeux rivés là-dessus. Donc, ça peut développer des possibilités intéressantes aussi pour ce pays-là. Donc, moi, je vais continuer de suivre ça de près. Et puis, c'est de voir si vraiment ça va se faire. Donc, j'espère que ça va se faire. Mais généralement, tu sais, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui va vraiment, ce qui va vraiment se faire. Donc, on prend ça. On vit d'espoir. C'est ça. Mais pas trop. Pas être réaliste quand même, c'est ça. Pas trop. Donc, du coup, ça reste sur ça. Et puis, au cours des prochaines semaines, on aura plus d'informations là-dessus. Et donc, c'est sur cette note qu'on conclut, cette note de sport, qu'on va conclure Voix d'Afrique. Mais on va peut-être aussi aller en musique aussi. Ouais, j'aimerais ça, je me le demandais. Ben oui. Là. Donc, on va aller avec du Wizkid. Oui, appelle-moi ça. Hein. Wizkid, W-I-Z-K-I-D. Ouais. Et la chanson, c'est Mania, M-A-N-Y-A. Hey, regarde-moi ça, ça se met à jouer comme par magie. Boom. On n'a pas une équipe d'enfer. Merci, Dominique Nodmavougou. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mardi, 8h30. Mardi, 8h30. Pour Voix d'Afrique. Oh yeah, take all my money, put them for your head, yo. For your head, yo, oh, oh, mama mo. Oh yeah, take all my money, put them for your waist, yo. For your waist, yo, oh, oh, why? I'm calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, cal baby girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my am, I am. Quelling, call it you. Baby girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my am, I am. Baby, can we do this tonight, yo? Yeah. Baby, can we do this for life, yo? Like I hold you tight and honest, yo. Yeah. Hold you tight and no go lie to you. Yeah, yeah. Oh, yeah, take all my money, put them for your head, yo. For your head, yo. Oh, oh, mama, mo. Oh, yeah, take all my money, put them for your waist, yo. I'm calling, calling you. All I'm in is any same, oh yeah. Baby girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my am, my am. Calling, calling you. All I'm calling, calling is same, oh yeah. Baby girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my am, my am. Follow me, my my oh, oh, oh, oh. It's your love who na make me my oh, elele. My my oh, it's your love who na paga mi show, elele. My my oh, oh, baby, can we do this tonight, yo? Yeah, baby, can we do this for life, yo? Oh, oh, oh, oh, oh. I got you tight and honest, yeah. Hold you tight and no go lie to you, yeah, yeah. Oh yeah, take all my money, put them for your head, yo. For your head, yo, oh, oh, mama, mo. Oh yeah, take all my money, put them for your waist, yo. For your waist, yo, oh, oh, why? I'm calling, calling you. All I'm in is anything, I'm on ya. Baby girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my am, my am. Calling, calling you. Mala kwele kwele nisi amoya. Baby girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my am, my am. La pièce Mania par Mute featuring Wizkid. Assemblage requis dans la chronique Voix d'Afrique de Dominique de Mavungu qu'on retrouve la semaine prochaine, mardi à 8h30. On prend une pause au retour. Jimmy Thibodeau devrait être là. Et Gauchère Bévu. Espérons-le aujourd'hui. Espérons, hein? Espérons. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Troisième heure d'assemblage requis en ce mardi 13 février 2018. Elle est Tania Baudelin. Et Mathieu Plante. Mmh, c'est confirmé, Jimmy Thibodeau va être avec nous dans quelques instants. Ben voyons donc. Ben oui, on lui a ouvert la porte et tout et tout. Pour sa collègue Gauchère Bévu, mais avant ça, on va se faire tendre un petit peu. Ouais. Avant de blablater, de déblatérer. On écoute la pièce Blablabla de Tendre. Mmh. Ah, son air joué. Thank you. célébrer blablabla dans l'assemblage requis. Tu le dis. Hey, blablabla. On va faire ça du blablabla pendant pas mal de temps, mais de façon plus intéressante. Ben oui, certainement. Jimmy Thibodeau qui est avec nous. Salut Jimmy. Bonjour. Pour sa collègue Gauchère bien vue, Jimmy qui est de la gauche et qui critique certaines choses que la gauche peut faire des fois. Hein? Oui. C'est comme ça, Gauchère bien vue, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Hein? Quand même concept. Ah, ben pas pire. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Ben aujourd'hui, on s'en va dans un terrain un petit peu plus philosophique pour aborder quelque chose que on a comme effleuré dans une de mes chroniques avant, mais j'aimerais vraiment comme me spécialiser, si on veut, dans cette chronique-là. Lui sur... pogner le... Ouais, voilà. Pogner le sujet par les... Ce sujet-là en particulier. Ouais. Je l'avais effleuré dans ma dernière dans une chronique sur l'homosexualité. Je sais pas si vous en rappelez. J'avais dit que l'homosexualité, comme c'est pas un choix, c'est le discours de la gauche. Puis que... ouais, peut-être... Mais même s'il y en avait une possibilité qu'il y ait un petit peu de choix dans ça, puis qu'on préférence, tout le monde a des préférences pour quelque chose. Puis si on était capable d'un peu se déterminer dans, à ce niveau-là, parce qu'on peut quand même changer qui on est fondamentalement si on le veut, puis même si ça c'est possible, ça change rien au fait que l'homosexualité c'est acceptable, puis qu'on devrait pas la stigmatiser. Là. Donc je trouve que c'est un petit peu comme beside the point, à côté de la plaque. Là, on va pas prendre quelque chose en français. Bien, là. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond. J'avais dit ça sur la notion de choix, puis j'avais dit, bon, il y a bien une part d'autodétermination, si on veut. Il faut bien avouer à un moment donné que les gens sont responsables un petit peu de qui ils sont au bout de la ligne. Alors ça, c'est vraiment ce sujet-là qui va m'intéresser aujourd'hui. La notion de responsabilité chez la gauche, je pense que la gauche a vraiment un gros problème avec la notion de responsabilité. Puis c'est quelque chose, c'est pas nécessairement qui se retrouve dans toute la gauche, évidemment, là, mais c'est quand même... quelque chose qui pose beaucoup de questions, puis quand même beaucoup de divergences, puis des tendances assez inquiétantes, je pense, des fois dans la gauche à ce niveau-là. Évidemment, dans la droite aussi. Je pourrais d'ailleurs en glisser un mot. Comment la droite voit des fois la responsabilité, je trouve ça un petit peu extrême. Plutôt que des fois que je suis plus dans le camp gauche, je devrais avouer, parce que dans la droite, souvent, t'as des gens comme des libertariens qui vont vraiment comme dire... pour réussir dans la vie, il faut que tu te forces un peu. Si t'es pauvre, ben arrête d'être pauvre. C'est ça, on l'entend souvent. Puis gagne ta vie, puis tu vas la réussir. Là, le American Dream, c'est pour tout le monde. Mais bon, ça, c'est une vision vraiment trop étroite des choses. Là, évidemment, il y a les circonstances qui sont tout autour, le contexte social. On a plein de circonstances qui font en sorte que, bon, on peut pas vraiment nécessairement faire tout ce qu'on veut. Puis ce qui on est, ben c'est largement influencé par l'extérieur. Puis ça, je trouve que la gauche fait bien de le dire. Puis de le... Donc, des trucs comme la notion de privilège chez les hommes blancs, cis, puis hétérosexuels, par exemple. On est que ces genres de personnes-là sont super privilégiés parce que, bon, c'est un groupe dominant. C'est vrai. C'est plus facile, évidemment. Ouais, si on a du succès, tu sais, c'est sûr qu'il faut jamais négliger cette option-là que le privilège ait pu jouer, ça, c'est clair. Puis de même, quelqu'un qui réussit pas, qui est d'une minorité visible ou plus stigmatisée, ça, c'est sûr que il faut comme... comprendre aussi qu'il y a la stigmatisation, faire attention un petit peu, c'est pour ça qu'on fait un petit peu de discrimination positive aussi des fois. Donc, je trouve que la gauche fait très bien de mettre ça de l'avant. Donc, parle en termes philosophiques, n'est-ce pas? la gauche, des fois, a des tendances un peu plus déterministes. Oh, bon. Ouais, donc, le vocabulaire. Voilà, donc c'est assez intéressant. Pourtant, tu sais, dans la gauche, je l'avais déjà dit ça d'ailleurs, ce point spécifique-là. Il y a déjà des gens de gauche qui ont été radicalement contre ça. D'ailleurs, les existentialistes, par exemple. Jean-Paul Sartre, dans les années 80, se battait pour le Parti communiste, mais il pensait qu'on pouvait se déterminer complètement. On peut même changer qui on était biologiquement. Lui, il pensait ça. Donc, extrémiste, pas mal. Ouais, mettons. Donc, la gauche, c'est vraiment hétérogène, mais quand même, de plus en plus dans le discours des médias, puis des gens sur les médias, on se rend compte que la gauche est un peu plus déterministe. Puis finalement, ton statut social est comme vraiment déterminant, puis on te remet dans face des fois quand tu as tendance à l'oublier, je pense, des fois, pour la notion de privilège, des fois parce que, bon, pour la discrimination positive. Donc, il y a ça. Puis je trouve qu'il y a aussi notre... dans le fond, de manière large, il est sûr qu'il y a la notion de privilège, mais de manière générale, combattre les inégalités aussi. Si on se rend compte que les gens sont un petit peu déterminés à être ce qu'ils sont, puis leur statut social est déterminé par les circonstances un petit peu, Mais on se rend compte que c'est plus facile de combattre les inégalités de cette manière-là parce qu'on va pas se mettre à dire que c'est la faute des gens. Mm-hmm. On va pouvoir vraiment comme aller aux sources qui font en sorte qu'on a un certain statut social déterminé. Mm-hmm. Donc, pour combattre les inégalités aussi, c'est une très bonne manière de faire, donc de savoir qu'on est déterminé par certaines choses. Puis deuxièmement aussi, quelque chose que j'aime beaucoup de cette pensée-là, du fait qu'on soit conscient de la part de détermination dans notre vie, je pense que c'est vraiment dans le cas du système juridique, par exemple, je pense que c'est un super bon exemple parce que le système d'aujourd'hui actuel, c'est vraiment basé sur la punition. Mm-hmm. Donc, t'es tout le temps responsable criminellement, à moins qu'on décide autrement, mais la plupart du temps, on te punit, t'es en prison. Puis aux États-Unis, tu peux même être mort, là, tu peux même mourir pour un crime. Là. Mais je pense aussi que le crime, c'est quelque chose qui a des racines aussi sociales. On peut pas juste comme dire que c'est de la faute de la personne puis que la personne est folle ou tout ça. Puis même encore là, même si c'est un problème mental que les gens ont, les criminels ont, c'est quelque chose qui se soigne puis c'est quelque chose qui peut... C'est... Une personne qui est malade mentale a besoin d'aide, n'a pas besoin d'être enfermée, tu sais. Donc, si tu veux vraiment comme régler les problèmes de la société, régler la criminalité, faut pas que tu te mettes à punir les gens puis juste en les mettant en prison, c'est pas efficace pour les réhabiliter. Mais est-ce que tu peux faire les deux? Est-ce que tu peux les guérir en prison? Parce que si tu les laisses dans la communauté, ils peuvent refaire leur acte. Ben c'est ça. C'est sûr que pour la prison, on peut avoir deux utilités. La première, c'est de dissuader, ça c'est sûr, pour les autres. Puis la deuxième, c'est de des fois, quand la personne est trop dangereuse, faut l'enfermer, tout à fait. Mais outre ça, des fois, il y a aussi cette notion de vengeance, tu sais, de œil pour œil, dent pour dent. Mm-hmm. Oui, c'est ça, ce qu'on entend souvent. Qui pourrait en prison, le maudit. Exactement. Ouais. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment comme mitiger ça. Puis axer beaucoup plus sur la réhabilitation, moins sur le ressentiment, parce qu'effectivement, la criminalité, elle a des racines sociales, la pauvreté, le manque de confiance entre les gens, les inégalités. Les rapports inégaux aussi entre les gens, puis aussi les problèmes mentaux aussi, c'est des choses qui se traitent pas, qui se punissent. Tu puniras pas un schizophrène parce qu'il y a des hallucinations, ça n'a pas de sens. Là, donc voilà. Puis aussi une partie de, en tout cas aux États-Unis, de policiers qui vont peut-être s'acharner sur une communauté en particulier et les arrêter pour des raisons qui sont peut-être pas aussi. Aussi. On a des Noirs qui se font tirer, il y en a beaucoup aux États-Unis quand même, donc ils se font mettre en prison aussi. Oui, il y a aussi cette, la notion de discrimination, ça c'est très vrai. Puis, je pense que ça empire les choses en fait, parce que non seulement les gens issus de minorités sociales sont tout le temps considérés comme responsables de ce qu'ils ont fait, même s'ils sont dans un lieu très défavorisé qui a comme vraiment fortement incité à ce qu'ils deviennent criminels, mais en plus de ça, ils sont ciblés encore plus spécifiquement par la discrimination. Ça devient quelque chose de vraiment... qui fait en sorte que les Blancs font une infime minorité des prisonniers aux États-Unis. T'es quasiment content d'aller en prison parce qu'au moins, tu t'es pas fait tirer. Quasiment. c'est pas mal ça. Puis t'es même dans les écoles où il y a une majorité d'Afro-Américains, des fois, il y a des intervenants qui viennent dans les écoles puis qui disent quoi faire devant un policier pour éviter de se faire tirer. Montrer la paume de tes mains ou des trucs comme ça. C'est épeurant quand même parce que... Tu fais juste mettre ta main quelque part, puis ils pensent que t'as un gun, puis ils te tirent. Tout à fait. Non, c'est rendu loin. C'est tout à fait un bon point. Mais bon, pour en revenir à la gauche, puis dans le fond, j'ai pas mal nommé ce qui est bon de vraiment d'être conscient du fait qu'on est indéterminé un peu, puis que c'est pas tout le temps de notre faute ce qui nous arrive. Donc c'est important, cette chose-là. Mais par contre, des fois, ça va vraiment trop loin, j'ai l'impression. Puis si on est vraiment pour dire que le statut social... Dans le fond, la gauche va tellement loin avec ça que j'ai l'impression qu'on est comme dans une sorte de... De penser où tout ce qui t'arrive est attribuable à ton lieu de naissance. Comment on dit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc finalement, ça revient à une sorte de racisme ou de quelque chose comme ça. Que t'aurais beau faire absolument rien, si t'es né à un certain endroit, tu vas devenir ce que les autres deviennent à cet endroit. Ben, c'est ça. En fait, il y a deux variantes problématiques, pour être vraiment clair. Là. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment super... qui vont vraiment super loin dans cette pensée-là puis disent vraiment, tout ce qui t'arrive est attribuable à ton statut social à la naissance. Tu peux rien contrôler. Rien contrôler. C'est juste ça absorbe ça. Ouais, ce qui fait qu'il n'y a aucune notion de blâme ou de louange possible. Ouais, c'est ça. Mmh, ouais. Pourtant, on devrait avoir ça en société. T'sais, dans la vie de tous les jours, c'est évident qu'on veut être capable de louanger quelqu'un ou de le blâmer. Si quelqu'un a fait du mal ou a volé des biscuits dans une boîte à biscuits dans la cuisine, ben on va le dire, ben écoute, c'est de ta faute là, excuse-toi parce que là, t'as pris tous les biscuits puis c'est moi qui les ai fait puis je voulais en donner à, je sais pas moi, à ma blonde ou quelque chose de même, tu sais. Fait que oui, on devrait blâmer des gens, clairement. Puis on devrait être capable aussi d'en louanger, parce que si on n'est pas capable d'encourager ce qui est important en société, par exemple, tous les prix de concours et tout ça, c'est important. T'sais, on dira pas, bon, mais les concours, ça sert plus à rien. De toute façon, tous ceux qui gagnent ça, c'est des privilégiés. Ben, oui, c'est ça, parce qu'on entend souvent le commentaire, ouais, alors c'est bien, le gars, il a gagné un concours d'épellation. Il est, c'est quoi, hindou, je pense, genre, il y en a beaucoup qui sont de l'Inde qui gagnent ces concours-là. D'épellation? Ouais. Non, moi, ou asiatique, quelque chose comme ça, en tout cas, peu importe. Mais c'est pas l'endroit où t'es né qui fait ça, c'est que t'as travaillé plus fort, puis t'as l'air du même moment ou avec l'autre. Ou un autre exemple vraiment plus stéréotypé, puis comme... Moi, je trouvais ça stéréotypé, mais t'as raison, c'est peut-être pas si connu que c'est les concours d'épellation, excuse-moi. Ben, non, mais t'as peut-être raison, mais c'est juste que moi, je me semble que je l'ai pas entendu, donc moi, c'est juste ça. Mais tu sais, par exemple, les Asiatiques puis les mathématiques. Ouais, ouais, ça. Ah, lui, c'est un bolet des maths, mais c'est normal, c'est un Asiatique. C'est t'sais. Ça. Fait que, bon, il y a ça aussi, mais c'est souvent plus, ça retourne souvent plus autour des Blancs ou des Hommes, ouais. D'habitude. Mais il y a ça aussi, effectivement. Mais donc... concrètement, qu'est-ce que ça donne? Mais quand t'es une minorité visible, puis que t'es plus opprimé, t'es plus discriminé que les autres, ben peu importe tes échecs, ça peut jamais être ta faute. Il y a tout le temps comme quelque chose qui fait en sorte que bon, c'est pas de ta faute, c'est ton statut social, cette discrimination. Tu peux pas être un mauvais acteur juste parce que t'es discriminé, par exemple. C'est ça. Fait que là. Pourtant, c'est important d'être capable de blâmer des gens, même les gens qui sont issus de minorités, parce qu'il y a des gens dans les minorités qui font des choses mauvaises, puis il faut être capable de le dire. Oui, puis arrêter de penser tout le temps que quelque chose est raciste parce que tu dis quelque chose sur quelqu'un. Ben tout à fait, puis... C'est vraiment facile. Le blâme, c'est important dans la vie. Pourquoi? Parce que, ben c'est sûr que même si on était vraiment comme déterminé à 100% par les circonstances, même à ça, le blâme, ça reste important quand même. Il faut être capable de blâmer des gens parce que si tout le monde se déculpabilisait de même à l'extrême, on pourrait même pas se stimuler à comme aller plus loin puis à se donner un petit coup de pied dans le derrière puis y aller. T'sais. Fait que j'ai l'impression que ça a un rôle important. Puis la même chose pour les louanges, on vient de le dire avec les concours. C'est important d'encourager ce qu'il y a de bon dans notre société. Il y a des gens qui sont blancs, puis qui sont des hommes, puis qui sont cis, puis qui sont transgenres, puis... Ben, pas transgenres, mais ça serait cis, là. C'est ça. Ouais. Transgenres aussi, des gens qui font des bonnes choses. Transgenres, évidemment, mais plus cis et hétérosexuels, blablabla. Cis étant ce qu'on utilise comme mot pour préfacer un mot qui, normalement, serait genré ou quelque chose. Ouais, c'est juste pour dire que c'est... pas dans la norme, parce qu'on peut pas dire ça. Bon, un cis, c'est quelque chose qui... C'est qui n'est pas transgenre, ni ci, ni ça, ni ça, ni ça, qui est juste comme... nature. A gardé son sexe et son genre attribué à la naissance. C'est exactement ça. C'est ça. Expliquer. C'est beaucoup de c'est rien, nuances. C'est ça. C'est le par défaut, si on le veut. Le par défaut, et qu'il ne faut pas dire ça. Là. Tu trouves pas, non? Non, je sais pas. Ben, moi, ça me dérange pas, mais... ouais. Des fois, dire ça, c'est comme dire que c'est normal et que le reste est anormal, tu comprends? Ouais, c'est ça. Non, mais t'es par défaut, des fois... Quand c'est par défaut, des fois, ça mérite d'être changé aussi. Oui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Mais ça, donc, il faut être capable de louanger des gens. C'est pas parce que t'es blanc que nécessairement tu tombes sur la tête, puis tu peux avoir des efforts quand même. Là. Comme par exemple, moi de mon côté, j'étais à l'université, puis je suis bien content de ça, mais c'est pas nécessairement parce que je suis blanc puis que je suis un homme que je me suis rendu là. Tu sais, j'ai quand même, je viens d'un endroit où ben, ma famille a été quasiment pas scolarisée. Puis j'ai été là par moi-même. Là, c'est pas quelque chose qui m'est tombé sur la tête là, nécessairement. Donc, je viens pas d'une famille riche d'universitaires. Là, c'est pas ça du tout. Donc, des fois, il y a des choses qu'on fait de soi-même et dont on doit être fier. Est-ce que tu pourrais te sentir coupable d'être un homme blanc cis, etc., parce que tu as le privilège d'être où tu es? Mais ce serait ridicule parce que tout le monde peut le faire s'ils mettent l'effort pour le faire. Ouais, tout à fait. Ben, c'est ça. Il faut quand même. T'sais, on voit un petit peu qu'il y a une sorte de juste milieu, encore une fois. C'est bien de prendre conscience de ce qui nous détermine, mais en même temps, il faut quand même donner une place à la responsabilité des gens. Si une personne veut ce qui lui arrive, puis a pas mal causé par elle-même ce qui lui arrive... Oui, c'est ça, exact. À un moment donné... Parce que les circonstances viennent te nuire dans la vie, c'est tout à fait possible. Mais il y a des fautes, tu crois, après. Mais si t'as un acteur, par exemple, un acteur blanc qui est super bon, mais... il a fait son acting lui-même. C'est lui qui a causé son, ses actions, même si ses actions à lui étaient causées par autre chose. Là. Mais c'est quand même lui qui a agi pour. Puis il a voulu ce qui lui arrive. Donc à un moment donné, pourquoi pas lui dire qu'il est responsable de ce qu'il a fait? Même chose pour un criminel. Si, tu sais, oui, réhabilitation, c'est sûr, mais en même temps, s'il a voulu tuer quelqu'un, par exemple, et si c'est lui qui a causé le geste, donc c'est lui qui a commis le crime, à un moment donné, tu sais, faut pas couper les cheveux en quatre, puis comme admettre qu'il y a une part de responsabilité des fois. Donc, ouais, puis si on revient aux acteurs, les trucs, tu sais, leur carrière est causée par eux-mêmes. Après ça, s'il y a de l'inconduite sexuelle, c'est aussi causé par eux-mêmes. Non, aussi, ben oui. Les deux peuvent arriver. Voilà, la boucle est bouclée. On a dans le même exemple tous les variantes. Tous les variantes. C'est cool. Mais bon, donc c'est pas mal ça pour le déterminisme extrême. Mais là, il y avait une deuxième variante dans la gauche dont je voulais parler. Puis ça, c'est ma dernière variante qui est assez intéressante, elle. C'est comme une sorte d'essentialisme. Je m'excuse pour les termes un peu philosophiques. Là. Mais tu sais, c'est... T'es vraiment comme ce que t'es à la naissance, puis t'as comme un statut dès la naissance. T'es comme privilégié. Il y a certaines gauches, j'ai l'impression, qui disent ben, ton statut social est déjà comme là à l'avance, à la naissance. Là, tu parles pas, mettons, de quelqu'un qui s'appellerait Candy, qui c'est sûr qu'elle va être danseuse. C'est pas de ça que tu parles. Non, c'est ça. Non. Mais non. Statut socio-économique, évidemment. Ah, voilà. Mais tire. Puis aussi, statut, bon, plus ethnique, la famille, bon, tout ça. Puis culturel aussi. Fait que dans le fond, il y a des gens. Un exemple concret. Si t'es blanc, ben t'es comme destiné à devenir une personne privilégiée puis avec avec des du succès. Mm-hmm. Puis si t'es une minorité visible, t'es comme destiné à avoir des bâtons dans les roues tout le temps. Donc c'est comme ton destin. Puis c'est dans ce sens-là que ça devient un petit peu comme raciste, j'ai l'impression, ben parce oui, que on met des étiquettes comme vraiment. Sérieusement, c'est comme pour l'appropriation culturelle, j'en ai parlé aussi, j'en ai écrit un mot là-dessus. Donc, on met des étiquettes sur qu'est-ce qui appartient à quelle culture, c'est la même chose. Ici, là, on est comme la discrimination puis l'oppression, ça appartiendrait par exemple aux Afro-Américains. Ben c'est ça, parce que ça voudrait dire que si, mettons, des enfants noirs se font adopter par une famille blanche, qu'ils vont finir avec leur destin noir. Ben, me semble ridicule. Ben, tout à fait. C'est comme... effectivement, dans cet exemple-là, pardon, j'ai l'impression aussi que la gauche dirait des fois, ben, il y a quand même destiné à avoir des problèmes puis avoir des bâtons dans les roues. Ah, peut-être l'intimidation, des trucs comme ça, persécution. Ouais, c'est sûr. Il y a ça un petit peu, mais quand même, mais je suis d'accord avec toi pour dire que malgré ça, malgré qu'on puisse sortir quelqu'un de son statut socio-économique, il reste cette étiquette-là que la gauche va lui donner tout le temps. Mm-hmm. Puis ça devient un petit peu raciste. Puis concrètement, c'est ça, si t'es un blanc, puis que tu fais mal dans la vie, puis que t'échoues, ah ben là, c'est de ta faute. Tu sais, ça, c'est pour ça que je dis que c'est une variante de la gauche. Parce que là, on dit que c'est de ta faute, parce que t'avais le privilège, puis c'est toi qui as échoué, puis ben, assume, là, parce que c'est... Tu l'as cherché. C'est deux poids, deux mesures, vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais si c'est une minorité visible, puis t'as échoué, bon, là, on le fait pas. Ouais. Là, on ne te blâme pas. Puis au contraire, si t'es un blanc, par exemple, puis que tu as un super grand succès, ben là, c'est... Tout arrive cuit dans ta bouche, n'est-ce pas? Puis si t'es, par exemple, quelqu'un d'une minorité visible, ah, mais là, t'es un grand héros. T'es un héros, oui. Ouais, ben oui. Tellement. Hey, tu combats le contexte social, tu t'extirpes de tes déterminations sociales. T'es le Black Panther en ce moment. Là, ah oui, ouais, là, c'est ça. Qui va sauver la communauté au grand complet. Super héros, voilà. Donc, ouais. C'est vraiment comme super caricatural puis exagéré. Des fois, il y a des gens qui sont issus d'une minorité visible puis qui l'ont eu facile puis qui ont été à la bonne place au bon moment. Puis ça se peut, ça aussi, tu sais. Puis si on se met tout le temps à attribuer le succès ou les échecs des autres sur leur statut social, sur leur ethnie, sur tout ça, c'est là que ça devient raciste. Ouais. C'est ça mon point aussi, un des points importants de ma chronique. Faire attention un petit peu à ce qu'on fait, à trop vouloir bien faire, puis à trop vouloir comme s'apitoyer sur le sort des minorités visibles, puis à trop être apathique envers les gens qui sont issus de classes dominantes. On finit par avoir une sorte de racisme inversé. T'sais, on critique bien ce truc-là dans la gauche, puis avec raison. Puis c'est des fois vraiment mal utilisé le terme racisme inversé. Oui. Mais il y a quand même une certaine notion de ça dans certaines circonstances. Je pense que cette notion de détermination est vraiment super importante. Puis le problème de la gauche avec la responsabilité est un bel exemple de quelque chose qui pourrait virer en racisme éventuellement. Donc, toujours juste milieu, voilà, ça pourrait me servir de conclusion. pour la responsabilité, oui, être d'accord, il faut être d'accord. Il y a des circonstances qui font qu'on est favorisé ou défavorisé, puis c'est important. Mais favoriser puis défavoriser, ça veut pas dire comme nécessairement telle chose. Mm-hmm. Quand t'es favorisé, c'est juste que t'as plus de chances d'être une telle chose. C'est ça que ça veut dire, favoriser, tu sais. Favoriser, ça veut pas dire tu vas avoir du succès automatique. Non, ça veut dire que tu vas pas à te battre autant que quelqu'un d'autre qui est pas aussi favorisé. Donc, il faut vraiment comme faire attention à ce que les mots veulent dire. Puis quand t'as un contexte défavorisé, tu peux réussir. En te battant, en plus. Puis tu peux échouer, puis que ça soit de ta faute aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Mais t'es juste défavorisé. Les chances sont pas de ton bord, mais quand même. Donc, c'est ça. Donc, faut pas se mettre à comme dire que t'as juste une voix pour toi, puis c'est comme fait, là. À s'apitoyer sur ton sort, dire « Ah, tu sais, je peux pas réussir, je suis tellement... » Ouais, donc il faut arrêter aussi d'étiqueter les gens, n'est-ce pas, aussi. Donc, les ismes, comme j'avais dit la dernière fois aussi, ça c'est un petit peu lié avec ça qu'on peut faire aussi. Tout le temps, les étiquettes sur les gens, puis les gens sont d'abord leur ethnie, les gens sont d'abord ce qu'ils sont à la naissance. Ça, c'est un thème aussi qui est revenu un petit peu dans mes chroniques. Il faut arrêter de faire ça, je pense. Il faut vraiment comme s'attarder plus aux actions personnelles, puis je pense que ça peut faire du bien à tout le monde à un moment donné. Donc voilà. Un beau message. Ça. Ouais. J'aime ça, Caroline. Ça nous fait penser comme toujours, même si en même temps, ta chronique d'aujourd'hui, elle s'est faite seule, hein? T'es blanc. Ben c'est ça, c'est ça. C'est chronique facile, tout cuit dans la bouche. Tous les sujets m'arrivent de même, c'est parce que je suis blanc. C'est ta blancheur qui attire idées d'en haut. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis en plus, il y a des gens qui pourraient dire aussi que j'ai un problème de critiquer ça parce que je suis blanc. Puis le fait que responsabilise des minorités visibles, t'as pas honte, toi? Ben, c'est ça, parce que toi, ça t'arrive facile, mais pas pour eux autres. Là, mais tu sais, bon, je m'expose à ces critiques-là, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. On peut-tu travailler ensemble à place de temps se blâmer l'un l'autre aussi. Exactement. Hein? C'est une des choses qui m'a motivé le plus à faire des chroniques de gauche contre la gauche. Là. C'est vraiment cette sorte de critique incessante, une sorte d'intolérance de la gauche, puis d'étiquetage intense pas possible. Tu sais, ça me fait penser, je sais pas si vous avez un petit peu de temps, mais vous connaissez cette dernière anecdote-là qui m'a vraiment motivé à un moment donné à faire ces affaires-là. La genèse, ben oui. Une des causes, là, c'était, j'avais un ami à un moment donné qui me parlait de ce que sa blonde faisait comme militantisme de gauche. Puis tu sais, allait dans des groupes militants, puis des militants extrêmes, là, tu sais... Les politically correct, les PC, là, elle se tenait vraiment avec des gens dans ce genre de gang-là. Puis, dans le fond, à un moment donné, par accident, elle dit ah, mais tu sais, telle chose, X chose, c'est tellement mongol, tu sais. Ah, mongol. Non, mais c'est difficile pour les handicapés mentaux, tu sais, cette affaire-là. Parce que c'est clairement ce qu'elle voulait dire. Elle voulait clairement, genre, parler contre les gens les handicapés mentaux, c'est ça. Mais... C'était sous-entendu entre les lignes. Voilà, voilà. Puis, tu sais, mon gars, à la base, c'est le nom d'habitant d'un pays, tu sais, en même temps aussi, ce qui est bizarre. Mais quand même. Mais si elle avait dit Newfie, ça aurait passé comme. C'est Newfie. Aucun problème. Ou peut-être, je sais pas, discrimination contre les. Les gens de Terre-Neuve. Les Terre-Neuviens, c'est ça. Mais. Non, mais c'est ça. Ah, tu fais de la discrimination. Es-tu raciste? Ben, pas. Raciste, ce serait pas le terme, là, mais tu sais. Intolérant. Intolérant, donc voilà. Puis on l'a carrément mis dehors de cet événement-là. Ouais. Ben oui. Puis ça me fait rendre compte que des fois, il y a vraiment comme de l'intolérance extrême. Puis ça se débat, là, tire de la question à savoir si on devrait arrêter d'utiliser des termes comme mongol. Probablement, tu sais, mais ça veut pas dire que tu dois sacrer quelqu'un dehors d'un militant. Ben, c'est ça. C'est pas parce que tu dis que les Chinois ont toutes les yeux bridés, ce qui n'est pas vrai, mais c'est pas parce que tu dis ça que t'es raciste, là. Il faut faire attention. Quand quelqu'un dit ça, tu dis... Ouais, mais as-tu vu, par exemple, les Chinois qui sont plus des régions sud, souvent n'ont pas les yeux bridés, par exemple. Puis il y en a, c'est pas tous les Chinois, même dans une région donnée, c'est pas tout le monde qui a les yeux bridés, par exemple. Tu lui expliques ça. Oui. Mais tu lui dis pas, ouais, mais crime, t'es raciste, arrête avec tes préjugés, va donc te coucher ou je sais pas trop quoi, là, je sais pas. Là, mais tu sais, il y a une différence entre ça, puis mettons quelqu'un qui va commencer à faire le mime des yeux bridés, puis à prendre un accent, puis. Ben, c'est ça. Ça, OK, c'est raciste parce que tu ris de la culture. Ben oui, ça c'est quand c'est de la moquerie comme ça, c'est clairement du racisme, c'est ça. Mm-hmm. Puis le blackface, on y revient souvent, mais quand même. Puis ça, c'est agressif et tout. Puis même le blackface, à la limite, tu sais, si quelqu'un se peint la face en noir, mettons une personne de 12 ans, tu sais, les gens qui sont adultes, les gens qui sont adultes devraient avoir conscience du fait que c'est comme pas très... pas très comme raisonnable et responsable. Ouais. Mm-hmm. Les adultes devraient savoir ça. Mais mettons un enfant de 12 ans qui veut s'habiller, je sais pas moi, en n'importe quoi, un personnage noir qu'il aime bien, qu'il lui, admire. C'est probablement un hommage dans son cas parce qu'il veut imiter quelqu'un. Ben c'est ça, tu lui dis pas « Ah, maudit enfant intolérant, de quelle famille de privilégiés blancs il vient, lui, parce que ça a pas de bon sens. » Mais non, tu fais pas ça, tu l'expliques, c'est pas bien vu, parce que bon, avant... C'est un manque de respect. Avant, le blackface, c'était utilisé pour telle chose, c'était pour les caricatures avant, donc on préfère pas ça. Donc, t'expliques ça gentiment, tu dis pas... Tu le grondes pas ou quoi que ce soit, ou tu vas pas voir ses parents en disant « Avez-vous honte? » Faudrait l'emmener... au psychologue? À la spéciale. Non, pas la spéciale, mais tu sais, la DPJ. La DPJ. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Oui. On l'enferme à DPJ, bande de parents responsables. À un moment donné, tu sais, faut vraiment comme arrêter de d'étiqueter les gens, puis d'être intolérant, puis de se penser comme... en anglais, le terme, c'est self-righteous. Je sais pas comment dire en français. Quelqu'un qui a toujours... Il a bien pensé, je pense. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps les good guys. C'est tout le temps ceux qui sont du bon côté de la... Puis tout est en noir et blanc. Puis les autres sont forcément blancs. Puis les autres sont forcément noirs. Mmh. Donc, c'est plein de gros défauts de la gauche. Comme des impressions que j'ai de la gauche qui ont fait que ça m'a motivé vraiment comme à faire des chroniques comme ça. Parce que à un moment donné, là aussi, on va finir par se censurer sur ce qu'on fait. Faut vraiment comme... réfléchir sur la manière dont on dialogue entre nous autres. Ça a vraiment plus de bon sens. Je pense que les débats aujourd'hui sont rendus toxiques. Donc, voilà. Tellement. Mm-hmm. Les social justice warriors qui sont peut-être allés un petit peu trop loin sur Tumblr. Un des exemples les plus extrêmes, effectivement. Mais tout à fait. Ça, c'est un très bon terme, les social justice warriors. Tout à fait. Ouais. On en reparlera de ça. Hein? D'ailleurs, ça pourrait être le sujet spécifique de l'art du dialogue chez la gauche. Ça pourrait effectivement faire l'objet d'une chronique éventuellement. Moi, j'écouterais ça, c'est sûr. Bon. Merci, Jimmy Thibodeau, homme blanc, 6, etc. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis à 9h. Oui. Jimmy Thibodeau. On écoute, vu qu'on s'est éduqué avec Jimmy, on va s'éduquer encore plus avec The Spook School. Voici Best of Intentions, parce que c'est surtout de bonnes intentions, les Social Justice Warriors. Toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Oh oui. Oh. Dans quelques instants, en fait, il va nous rester avec un petit sujet à discuter, là, pas trop grand-chose de très, très exubérant. Mais avant ça, il va y avoir de la musique. Et avant la musique, il va y avoir les nouvelles de tout ce qui se passe autour de nous sur le campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone le Campus. L'atelier « Comment préparer une demande éthique » a pour but d'aider les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs qui doivent interviewer des gens pour leurs recherches. Durant l'atelier, les sujets comme la vie privée, la confidentialité et le processus de consentement seront abordés. L'activité aura lieu le 22 février prochain et c'est gratuit. Pour vous inscrire, il faut googler « Babillard des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux UQTR ». L'Association des étudiants en sciences comptables et administratives vous invite à son spectacle d'humour mettant en vedette Stéphane Fallu et Yannick Demartino. L'événement aura lieu le 20 février dès 19h au local 10-12 du pavillon de la vie étudiante. Pour les étudiants, il en coûte 10$ en pré-vente et 15$ à la porte. Un surplus de 5$ est appliqué pour les gens de l'extérieur. Pour obtenir vos billets, il faut aller sur le site lepointdevente.com. Le concours d'affiches scientifiques de l'UQTR aura lieu les 21 et 22 mars prochains au CAPS Léopold Gagnon. Les étudiants et étudiantes de tous les cycles peuvent y participer soit en solo ou en équipe. Des bourses sont offertes aux gagnants des différentes unités départementales. Pour vous inscrire, il faut aller au www.uqtr.ca/affiches. Le journal Zone Campus est sur Instagram. Pour vous abonner, il suffit de chercher Zone Campus en un seul mot. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. Oh oui, l'Info Campus, écrit par David Perron, le chef de pupitre du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin. Merci, ben oui. Justement, parlant de Tania, on va jaser un petit peu tantôt, toi et moi. Mais avant ça, je te propose une chanson. Ben oui, certainement. Par Alice et moi. Voici Filme-moi. Oh! À l'Assemblage Requis. La pièce Filme-moi, je l'aime beaucoup. C'est par Alice et moi. Ah, sondage requis. Ah, il nous reste seulement un petit, même pas 10 minutes à l'émission, le temps que Sifu Sexe s'en vienne à partir de 10h. Mais c'est la journée de la radio. C'est la journée mondiale de la radio, Mathieu. Et il y a plein de gens qui discutent justement de cette belle petite journée-là. D'ailleurs, dans lapresse.com, vous pouvez retrouver un article qui a été écrit, qui est très, très, très bien fait, qui parle justement de la radio, qui n'est pas décédée, malgré ce que plein de gens peuvent penser c'est et dire ça. Non, non, non, nous sommes toujours là, nous sommes bien là, nous sommes vivants, sachez-le. Et personnellement, je pense mon nom de la station aussi, parce qu'on est en onde présentement, je vais saluer Phil Brack de une autre station. Là, tu parles de Phil Branch. Exactement, j'ai dit Brack. Hein? Ça dit Brack. Oui, mais c'est Phil Branch qui a fait ses débuts ici et qui a posté il y a quelques instants sur Facebook un post sur justement C'est fou 89.1 FM. Ah, pour vrai, c'est vraiment le fun. Salut l'équipe, donc salutations à Phil Branch. C'est il y en a plusieurs quand même qu'on connaît dans les médias mauriciens, ailleurs au Québec. François-Jacques, Jackie Pop, qui était ici aussi. Myriam Fugère était parmi nous aussi. Plein de monde comme ça, on les apprécie. Exactement. Donc, c'est la journée pour se dire de station à station qu'on s'aime, qu'on fait un excellent travail et qu'on va continuer à toucher du bois. Ben oui. et justement, ça m'amène à parler un petit peu de notre ami du Zone Campus, Marianne Chartier-Boulanger, qui est en train d'écrire un article, un reportage en fait sur les radios universitaires et communautaires. Et elle m'a posé quelques petites questions. Puis tu sais, je me suis dit, je vais partager les réponses quand même. Bien, donc, elle m'a demandé, vous allez peut-être avoir des spoilers de l'article. Peut-être. Mais qu'est-ce qui m'a amené à être animateur assez fou? Ben, j'ai toujours été intéressé par les médias. Je veux un stage ici. Éventuellement, on m'a gardé pour plus longtemps. Et je lui rappelle que techniquement, C'est fou n'est pas une radio communautaire parce qu'on ne vit pas de subventions ici. On vit des cotisations étudiantes. Exactement. Et de la publicité. Oui. Les motivations de faire de la radio, je pense qu'on peut en parler un petit peu. Peut-être que les tiennes sont différentes des miennes, mais une éternelle soif de connaissance, le désir de partager tant qu'à me divertir moi-même, aussi bien divertir les autres avec ça. Ben écoute, je pense que pour devenir animateur de radio et décider d'en faire une carrière, il faut absolument que tu aies le désir de parler et de faire découvrir certaines choses. Ça peut tout le temps être la même affaire, tu sais, dans le même type de sujet, mais automatiquement, tu veux que les gens en apprennent, donc c'est un peu pour ça que tu deviens animateur radio. C'est pas mal ça, ouais. En tout cas, j'ai pas connu grand monde qui est devenu animateur radio parce qu'il voulait être connu, tu sais. Non, c'est ça, le star system de la radio. Non, c'est ça, pas tout à fait là. Je suis désolée. Elle m'a demandé quelle était la mission d'une radio communautaire au campus et qu'est-ce qu'elle permet de divulguer. J'ai dit la diffusion de musique et d'informations qu'on pourrait pas entendre dans d'autres radios. Laisser la place à ce qui est moins connu, mais pas moins bon pour autant. Hein? Ensuite, elle m'a demandé si C'est fou se définit comme une radio ou comme un service à la population. Et c'est là que j'ai eu un petit peu de difficulté parce que personnellement, moi, je pense que c'est plus une radio de divertissement et non pas de service communautaire. Parce qu'une radio communautaire, ça ferait la météo, les états routiers, les avis de décès, des trucs comme ça. Nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour le divertissement. Donc, je pense qu'on est plus, pas vraiment un service, plus une radio. Ouais. Je pense. En comparaison avec les radios commerciales, elle me demandait quelles sont les forces des radios communautaires. J'ai répondu qu'elles sont pas forcées à jouer ce que les compagnies paient à faire jouer. Hein, parler de tout ce que le monde dit déjà. Faire fitter un mince contenu entre deux blocs publicitaires. Sinon, pour y aller plus positivement, j'ai dit qu'on a la liberté de parler de choses dont on parle pas ailleurs. C'est surtout ça, je pense. Surtout. D'en parler plus longtemps, plus en profondeur. De jouer des artistes qui ont pas la chance de jouer ailleurs. Hein? Je pense que c'est pas mal pour ma réponse à moi. Oui, vraiment. Ouais. Ben, je pense que, comme tu le disais, on a un choix de sujets qui est extrêmement diversifié. C'est ça. Pas de barrière. Puis il y a des choses qu'on pourrait pas nécessairement faire dans une station commerciale qu'on peut faire ici. Je pense pas qu'on jaserait comme avec Jimmy Thibodeau pendant 20 minutes de déterminisme. De philosophie et déterminisme, et non, en effet. De nouvelles du continent africain pendant 20 et minutes. Et je suis pas certaine qu'on aurait non plus des émissions de type une heure ou deux heures. Blues. Exactement, sur les ondes d'une radio commerciale. C'est pas nécessairement que c'est pas le fun, c'est que ça rejoint pas assez un immense public. Ouais, c'est ça. Tandis qu'ici, notre public est quand même assez large. On a les étudiants, mais on est quand même diffusé entre Berthier et Drummondville, on vous le rappelle. Internet partout. Internet partout sur la planète. Alors, je pense qu'on devient... je veux pas vraiment nous comparer à un podcast parce que c'est vraiment pas la même chose, mais je pense qu'on devient avec une grande échelle ce qu'on pourrait pas faire avec une radio commerciale. Ouais. Je pense que le podcast va devenir ce que la radio est en ce moment un jour, mais bon, hein, une chose à la fois. Exactement. Elle m'a demandé si CIBL, bon, à Montréal, on sait que CIBL a eu des problèmes. problème. Ils viennent de former un petit comité pour essayer de sauver ça. Mm-hmm. À quels enjeux font face les radios communautaires? Donc, je lui ai répondu que je sais pas trop. C'est difficile pour moi de répondre à ça, peut-être pour toi aussi. Vu qu'on vit pas des subventions, mais des cotisations étudiantes, les risques de plus avoir d'argent sont inexistants. C'est juste de savoir bien gérer l'argent qu'on a avec les cotisations étudiantes. Ça dépend en fait, parce que, en tout cas, selon moi, selon ce que j'en ai compris, c'est sûr et certain que si on décidait dans une assemblée générale étudiante d'enlever la cotisation, et bien automatiquement ça met la clé dans la porte d'une station de radio comme la Absolument, et ça prend juste un petit groupe de personnes, étant donné qu'il n'y a pas grand monde qui se pointe à ces affaires-là. Exactement. Comme les gens de l'OG vont le savoir ce midi avec leur assemblée générale. Donc à ce niveau-là, il faut comprendre que oui, peut-être qu'on serait un service aux étudiants. Oui. Comparativement à une radio, si on reste sur le campus, à la grande échelle, maintenant, vu qu'on diffuse de Drummond à Berthier, ben c'est les publicités sinon qui va nous faire vivre. C'est ça. Donc il faut comprendre que la radio, elle est là pour rester. En tout cas, du moins, on va encore une fois toucher du bois. Mais c'est vraiment le plaisir de pouvoir faire des annonces sur les ondes, dans le zone campus aussi, parce que bon, c'est géré par la même équipe ici, qui fait en sorte que on peut rester en ondes. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Ensuite, là, je parle toujours de ma petite entrevue pour le Zone Campus avec Marianne Chartier-Boulanger. Je disais que ce qui nuisait peut-être aux radios comme les nôtres, communautaires, universitaires, campus, c'est le manque d'intérêt des gens, des fois. On dirait que les jeunes de nos jours, et là, je dirais pas les jeunes au complet, mais une partie des gens, je m'inclus là-dedans, n'ont pas vraiment tout le temps envie de sortir ou de se forcer plus que nécessaire. Exactement. T'sais, on a déjà la job, on a déjà... notre vie. J'irai pas jusqu'à dire qu'Internet nous fait mal, parce qu'en temps normal, dans ta voiture, t'as pas Internet. Ouais. C'est sûr que les Stingray puis les types de radio comme ça, à un certain point, oui, ça peut faire mal, entre guillemets, mais je crois que ce qui fait mal, c'est le manque de communication entre le public versus la station. Ouais. Qu'est-ce que vous avez le goût d'entendre? Mm-hmm. Tu sais, en temps normal, faire de la radio, on le fait pour vous, on le fait pour que vous découvriez des choses. Donc, c'est sûr qu'en tant que public, si vous ne nous parlez pas, c'est ça qui devient Mais compliqué. De l'autre côté aussi, on est quand même pris par une licence du CRTC. Exactement. On ne peut pas faire jouer ce que les gens nous demandent tout le temps s'ils nous demandent de jouer ce qu'ils jouent ailleurs, évidemment. Non, c'est sûr. Donc, il faut jouer entre les deux, il faut essayer de prendre le créneau. Comprendre justement quelle est la mission derrière une radio comme la nôtre. De passer tout ce qui n'est pas joué ailleurs. Bref, et la petite morale à la fin, c'est que, bon, il faut continuer d'avoir de la variété. C'est important, la variété, parce que sinon, tout le monde va écouter la même affaire et dire les mêmes affaires. C'est ça. Promenez-vous d'une station à l'autre du côté commercial. Et vous allez voir. Il y a de fortes chances que vous entendiez tout le temps les mêmes chansons. C'est exact. Aux mêmes heures. Oui. Salutations à une station en particulier. Ouais. 4h40. Tout le temps, la même tune. Mais c'est ça, quand tantôt je disais que les compagnies, les étiquettes de disques payent pour avoir une rotation à la radio, ben c'est pas n'importe quoi, ça existe. Mais oui, exactement. C'est juste que nous, on l'a pas. C'est ça, bien content de ça. Bref, voilà pour la journée mondiale de la radio. Oui. On va terminer notre émission là-dessus. Ça veut pas dire que ça continuera pas demain, hein? On remercie nos chroniqueurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire Dominique Notmavungu pour sa chronique Voix d'Afrique. Jimmy Thibodeau. Oui, pour Gauchère-Bévue. Merci aussi quand même à Marc-Olivier Dumas qui va être de retour parmi nous, espérons-le, la semaine prochaine, s'il va mieux. Demain à l'émission, Sébastien Gartin sera là pour son bulletin Gartin en début d'émission. Ensuite, David Ferron va être là à 8h30 pour sa chronique sur le journal Zone Campus. À 9h, on va peut-être parler d'improvisation, dépend des semaines. Gabriel est un homme très occupé. Donc c'est le plan de demain entre 7h et 10h. Plus tard sur nos ondes en ce mardi, on vous réserve bien sûr C'est Full Sexe dans quelques instants. Ensuite la rediffusion de Rock de Neurone. Puis on sera de retour en direct avec C'est dans ta face, l'émission de rock francophone à 15h. Les pas sortables avec de la musique émergente à 16h. Réanimation avec du métal et de l'horreur à 19h. Et finalement Matière noire à 21h avec du métal progressif. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission. Les balados diffusion, merci Tania Baudin. Merci à toi Mathieu Plante. On se quitte avec un ancien numéro 1, celui de Saint Vincent, Lost Ageless, et on se retrouve demain 7h. Bye, bon café! We'll be right back.